Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Pas vraiment comme à l'accoutumée, on est un petit peu moins nombreux aujourd'hui, mais nous sommes, et en même temps dans notre cœur, ils prennent autant de place que trois humains. Notre premier invité, sa bio Twitch dit « on n'est pas là pour les skills », et en ça j'ai envie de lui dire « bienvenue au Floodcast », puisque merci, c'est un bien. Peu la même ici. Elle est donc streameuse, animatrice, frère croûte, et a lancé récemment l'émission Cousin. Oui, c'est vrai. Oui, mais ils sont frères, du coup. Gênant. Non, ils sont cousins. Ah, ils sont cousins. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ah, ça commence bien, je vois qu'on est bien renseignés. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ta merde, le fiasco. Elle a lancé récemment l'émission Laserdisc. J'ai bon. Oui, c'est bon. Non, en fait. Sur Arte Musique. C'est Orti. Pas du tout. Mais merci. Bonsoir. Bah, c'est Arte FR de Arte Concert. Mais c'est un vrai mec. Allez. Tu peux le refaire si tu veux. Non. Il va l'enregistrer. J'assume. Après. Okay. Chantal Goya disait « Ce matin, un lapin a tué un chasseur. » Si par chasseur, elle voulait dire flic, peut-être faisait-elle référence à notre invité, tant ce dernier est tacab. Mais pas que, puisqu'il est aussi streamer, réalisateur, photographe. Il a lancé plusieurs alertes dans sa vie, mais récemment, c'est l'émission Laserdisc sur Arte Concert. Mais quelle intro ! Un fragment rocheux, un lagomorphe sauvage, c'est Pierre Lapin. Oh ouais ! Magnifique. J'en étais sûr, quoi. Magnifique. Dans ce monde qui n'a ni queue ni tête, il n'en fait qu'à sa tête. Un mouchoir au creux du pantalon, il est le chevalier Déon. Ah oui. Puisqu'il faut choisir, à mot doux je peux le dire, sans contrefaçon, il aime pas trop Macron, c'est Adrien Méniel. On voit que 2022 approche. Oh. Là. C'est joli. On se politise de dingue. Hein. À fond les valeurs. Pour commencer l'émission, je vous propose de parler des news du Floodcast. Les news du Floodcast. Il s'est enlevé son pull et galère comme jamais. Alors les news du Floodcast, Orti, c'est la première fois que tu viens dans l'émission. Oui. C'est un petit jeu où en gros je vous donne des énoncés, des trucs et il faut deviner comment ça se termine. En gros c'est des headlines un peu de journaux. Si je vous dis par exemple que deux hommes ont emprunté un véhicule sur lequel il était écrit voiture gratuite, quelle surprise ont-ils vécu au sein de cette voiture ? Est-ce qu'il y avait un gratuite ? Est-ce qu'il y avait un animal dedans ? Il n'y avait pas d'animal dedans, mais c'est par rapport à un truc qu'il y avait dedans, effectivement. Est-ce que c'était en ville ? C'était en ville. C'était au Stathès, pour être tout à fait. Okay. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait chié dedans ? Alors, pas du tout. Non, pas du tout, mais la question se pose. La question se pose, est-ce qu'il y avait un truc dégueulasse dedans ? Ah, il y avait un truc dégueulasse dedans. Il y avait... Et c'était pas... Allez, voilà. Ouais. On dit les choses hein, aussi, attention. Un truc dégueulasse. Y a pas de soucis. C'est là... Ah, moi, je suis là pour ça, je dis les trucs. Ah, bah, très bien. Un cadavre. Très bonne réponse. On n'a pas le temps. Très rapide. Non mais là voilà, non. Mais après moi je suis là tout le temps. Mais bien sûr, c'est un cadavre sans vêtements, petit détail quand même, intéressant. Qui a été retrouvé. Comment ça intéressant? C'est-à-dire ça rajoute un peu de sel quoi. Ouais, c'est ça. Qui a été retrouvé dans le coffre de la voiture, mais j'aime que cette idée ait marché quoi. Ils ont juste mis voiture gratuite, les mecs font "Oh bah j'en mets." Ah, mais c'est du génie. Il y avait un cadavre dans la voiture. Ah, ok. C'est pour se débarrasser de la bagnole. C'est les tueurs qui ont écrit voiture gratuite. À mes yeux. Mais... Ou alors c'est les tueurs qui se sont dit il faut qu'on trouve un truc, les policiers nous ont arrêtés. Ils ont écrit voiture gratuite, ils ont dit on l'a emprunté, elle était gratuite. C'est... Ou alors c'est le mec qui s'est suicidé dans le coffre, il a écrit voiture gratuite avant. Et comment il a enlevé ses. Ah oui, non, si, oui, il a enlevé ses. Ah oui, parce qu'il s'est dit ça me sert plus, donc. Je sais pas, j'en sais rien. C'est très pervers de faire ça quand même. Je vous offre ma voiture, par contre, il y a ma mort dedans. Mais moi je vois une voiture avec écrit voiture gratuite, jamais. Déjà soit il y a Grégory Guillotin dans les parages et je vais être sur YouTube après, sinon il y a un truc bizarre effectivement. Franchement moi j'ai envie de dire si c'est gratuit c'est toi le produit. Je dis 2022 mon pote. Slow clap. Bravo. En tout cas on a hâte de voir la série Netflix. Oui, on va, ça bosse dessus. Un homme a attaqué en justice une école et réclame $1 million. C'est énorme. À votre avis, qu'a fait l'école pour mériter cette attaque en justice ? J'imagine que c'est encore au Stathès. C'est encore au Stathès. Ah, les ricains ! Est-ce que c'est pour ne pas lui avoir enseigné des trucs sur la sexualité ? Pas du tout. Ah, est-ce que c'est son école à lui qu'il a attaqué ? Non, il a attaqué l'école de sa fille. De sa fille. L'école de sa fille. Est-ce que c'est pour un truc qu'ils auraient paré, enfin, qu'ils ne lui auraient pas enseigné et qui lui semble essentiel ? Est-ce que qu'ils ont enseigné l'écriture inclusive ? Est-ce que ça a à voir avec un enseignement ? Non, pas du tout. Ça équivaut plus à comment, je vais pas trop en dire, mais qu'un un professeur, une attitude de professeur, il laisse vraiment à des gens montrer un porno. Est-ce qu'on est plutôt de son côté au mec si ou alors on est largement du côté du mec. Okay. Mais c'est pas non plus giga vénère, vous inquiétez pas. Okay, c'est quand même particulier. Non, c'est pas je genre. Complètement. Okay, non, mais okay. Est-ce que ça a à voir avec la manière de s'habiller? Non, mais on s'approche. J'allais demander à un prof qui porte pas ce slip. Mais non. Ah non, je parlais d'elle du coup. Ah oui, elle. Ah oui. Non, mais t'es pas loin du tout. Non, mais t'as dit que c'est un prof. C'est un prof qui a fait quelque chose. Oui, mais ça, c'est. Est-ce lié que ça a à voir avec que... Mardi Gras ? Non, pas Mardi Gras. C'est bien dommage. Mais on est. C'est bien dommage. Mais on est sur un truc de look, dirons-nous. Il avait un bouc ? Non. Moi, je suis sur le côté. Moi, j'aurais attaqué. Et un million, je trouve ça pas cher payé. Clairement. Non, pas du tout. Je sais pas, il a interdit la petite fille de se déguiser dans son super-héros favori, elle était triste. Non, on n'est pas... Je sais qu'on est dans un podcast de gauche, mais c'est pas par rapport à... Donc c'est un truc de look, vraiment. Hein ? C'est un truc de look sur lui-même ? Non, sur elle, sur la fille. Elle-même. Elle avait pas le droit de porter un certain truc. Alors là... Elle a été virée parce qu'elle portait ou parce qu'elle avait un truc ? Non. Mais on n'est pas loin. En tout cas, il y a quelque chose qui dérangeait les professeurs. Maquillage ? On s'approche. Talons. Piercing. Non. Couleur, dans couleur les cheveux. De cheveux. Un putain de tatouage. Vous y un êtes. Un tatouage. Non, mais je vous l'accorde. C'est la coupe de cheveux. Oh. Ah. Et en gros, là où c'est vraiment atroce, c'est que les professeurs et la directrice ont coupé les cheveux. De quoi ? Eux-mêmes. Attendez. Ah, oui. Quoi ? Ah oui. Bien sûr. D'accord. Une fillette de 7 ans, hein, quand même. Donc, Jimmy Hofmeyer poursuit un district scolaire, un bibliothécaire et un assistant d'enseignement dans le Michigan. Ah, ils étaient plusieurs en plus. Alléguant. Oui, trois. C'est beaucoup, mais il a gagné. Alléguant de coups et blessures. Il a également porté des accusations de discrimination raciale, d'intimidation ethnique et d'imposition intentionnelle de détresse émotionnelle. Mais quelle est la raison ? Mais pourquoi ? Je sais pas. Justement, le conseil scolaire local a qualifié les allégations de sans fondement et a déclaré qu'il les défendrait agressivement devant les tribunaux. Quelle horreur ! Mais attends, s'il y a un truc préjudice racial et tout, ça veut dire que par rapport à la coupe de cheveux, je pense. Non, mais elle est noire la petite. Oui. D'accord, oui, ok. Tout à fait. Métisse. D'accord. Mais oui, c'est ça. Sa fille Journey est métisse. Est arrivée à la maison de l'école primaire Guénard à Mounts Pleasant en mars avec une grande partie des cheveux d'un côté, de la tête coupée. Voilà. Yes. En plus, juste la moitié. En plus, eux-mêmes ne sont pas doués dans ce qu'ils ont essayé de faire. Très bizarre. Elle a dit qu'un camarade de classe l'avait fait dans le bus scolaire et en fait, c'était pas le cas. C'était les professeurs. Mais incroyable. Bah, c'est juste horrible. Alors, non, pardon. Excuse-moi. Les parents avaient coupé une moitié et donc les profs. Bon, ont coupé l'autre moitié. Excuse pas du tout. Mais ils ont égalisé. Ils ont fait une Skrillex et du coup, ils se sont dit si la dubstep, c'est non. D'accord. Il dit je déteste Skrillex. C'est incroyable. C'est hors de question. Bah, franchement, j'espère qu'il va gagner. Mais non, bien sûr. Vous avez eu, vous, des histoires avec des profs un peu atroce comme oui. Ça. Oui, moi j'en ai une. Ah ouais. Une fois, je dis ça avec un grand sourire, alors que vraiment c'est absolument pas drôle, c'est un peu choquant même. Ah merde. J'ai un prof d'espagnol qui nous enseignait pas l'espagnol et une fois il nous a fait regarder une vidéo d'un moine qui s'immolait par le feu. Quel honneur. En quel honneur et je ne sais pas, c'est une très bonne question. J'ose espérer que pas. Ce moine était espagnol quand même. Non, même pas. Au moins tu le sais dire en espagnol maintenant. Il était breton. Aïe, en espagnol. Il était breton et du coup il nous enseignait le breton. Ah oui. Et et de temps à autre un peu l'arabe aussi, mais jamais l'espagnol. Aucun fou. Et du coup, terrible. Il a fait ça, on s'en est plaint, et ils ont dit oui, mais il est bientôt à la retraite. Ah, d'accord. Tout est atroce, du coup. Tout est atroce. Mais du coup, quelques bases en breton, peut-être. Je vais dire Kenavo. Oui, voilà. Je suis complètement amoureuse du Finistère. Donc, je sais dire quelques trucs. Mais pas cet autre Finistère. Celui-là. D'accord, très bien. Non, mais bien sûr. Pierre, tu as répondu oui, toi aussi. Non, mais je sais pas si j'ai déjà raconté. J'ai raconté toutes mes anecdotes trois fois depuis le début. Ce podcast a 7 ans. Je veux savoir. C'était un prof de techno. Qui nous demandait de ramener les petites figurines de Kinder Surprise. D'accord. Il avait dit que c'était une association pour aider à. Il se les mettait dans l'urètre. Bah évidemment. Je sais pas le dire. Mais c'était le nom de l'asso. Kinder dans l'urètre. Non. Figue urine. Joli. Et donc du coup il disait que c'était pour l'apprentissage de personnes handicapées motrices avec un souci d'apprentissage et tout ça. Il disait que essayer de m'en donner un maximum parce que je vais les mettre dans d'autres écoles et ça peut aider à l'apprentissage. Plus ça va, plus j'ai peur de la suite. Ça commence plutôt bien. Déjà le mot urètre a été sorti donc, à partir de ce moment-là. Non mais ça c'est un classique. Oui, ça ressortira 2-3 fois dans oui. Ça fait partie des mots qui m'hérissent les poils. Non mais du coup il insistait beaucoup. Donc après moi j'étais toujours un petit sacré rigolo. J'avais carrément fait le front de libération des Kinders parce que j'étais un zigouingouin, mon pote. Et sauf que le final, c'est que le mec il s'est fait pécho sur un dépôt vente. Il les revendait, le bâtard. Et en fait, il avait fait une espèce d'échelon de Kinder. T'avais plus 3 points si t'avais un échelon, une figurine un peu mieux, meilleure en état ou quoi que ce soit. Et en fait, il s'est fait griller sur un dépôt vente. Un vide-grenier, quoi. Un vide-grenier, exactement. Ouais. Oh, bâtard. Où littéralement, il revendait tous ses Kinder. Mais c'est génial. Mais attends, mais. C'est le loot Wall Street. Tu te fais vraiment de la thune avec ça. Vraiment, il a dû se faire 8 euros, quoi. Non, non, mais détrompe-toi, il y a des vraies collections. Je me détrompe pas. Détrompe-toi tout de suite. C'est un ordre, en fait. Il y a des vrais collectionneurs de Kinder. Tu sais, les hippopotames, ouais, là. Il y a beaucoup pas... de Star Wars, des trucs comme ça. Oui, bah, ça c'est des collectionneurs, mais. Quoi ? Ça peut monter à 80 balles le Kinder. Mais regarde les cartes Pokémon. Comment Attendez, mais quoi, moi j'en ai encore des jouets Kinder là. Mais c'est, oui. C'est les nouvelles cartes Pokémon, vous mais verrez. C'est ça bah, oui, c'est pas du tout. Verrez, mais bien sûr que non, mais si, 80 balles. Ne dites pas c'est pas ça, ne dites pas c'est pas ça. 80 balles pour un vieux jouet Kinder. Genre vintage. Non, mais lui, il demandait à ses élèves de les ramener. Et Adrien se sont levés, ils se tapent dessus actuellement. Bon, tu me parles. Non, mais il avait établi des cotes et tout ça, vraiment. Donc, tu avais plus un point. Donc, c'était grillé en fait, toi. Le mec, il avait l'Argus. Il avait l'Argus des jouets Kinder. Là, ceux-là, ceux qui sont chers. Enfin, ceux qui mais sont c'est bien. Pour les handicapés, bien sûr. Oui, ils préfèrent les chers, c'est juste ça. Mais Stéphane est cher. Mais. Non, pas terrible. Mais au final, ouais, donc on l'embrasse, en tout cas. Non, bah non, pas Stéphane est cher Oui, alors pour le aussi, coup. Ouais. Après, sauf s'il est en train de déjeuner, parce que c'est qu'il aime faire ça en paix. Donc. Non, lui, ça va, il aime bien parler, c'est sa meuf. Oui, bah, déjà, elle prend son café en riant, ce qui est très inquiétant quand même. C'est le Joker. Alors que lui. C'est vrai que la meuf de Stéphane Echer, c'est le Joker, bien sûr, évidemment. Je prends mon café. Eh ouais. Tu vas faire quoi? Société. Mais voilà. En plus, elle le regarde à peine, quoi. Ouais, c'est vraiment normal. Normal. Non, mais au moins, elle se moque pas de lui. Elle rit d'autre chose. Oui, Adrien, toi, petit souvenir de professeur, tu peux ouvrir la fenêtre. Non, c'est la crème hydratante en fait que j'ai mise qui m'irrite le visage. Finalement. C'était pas de la crème, mais vraiment de la crème anti-hémorroïdaire, malheureusement. Non, pas vraiment de. Plutôt des profs sympas. Enfin, non, si Robin j'ai Williams dû avoir des trucs, des poètes mais, disparus. Non, j'avais. Non, mais non, je vais pas raconter ça. Ah, non, mais j'ai rien. Non, parce que c'est il moi est qui suis tôt, bizarre dans l'histoire. Ça veut dire rien. Non. J'ai rien qui me vienne là. Non, moi j'avais des sales cons, mais j'ai pas eu trop de gros soucis. Enfin, en tout cas, pas des mecs qui vont jusqu'à me prendre des Kinder. Enfin, tu vois, des oui, bien sûr. Ouais. Des mecs quand même. C'est clairement le plus grave dans ce qu'on a raconté. C'est le pire, quoi. Une question pour les amoureux de même. Et je sais qu'ils sont nombreux déjà autour de la table et dans les auditeurs. J'ai envie de dire c'est un même. Qui est le même de Denis Brognard pour les gens qui ne le savent pas. On recontextualise. Je ne parlerai quand même. J'ai vu le sosie de Denis Brognard en venant dans la rue et je l'ai dévisagé. Donc si jamais il écoute le podcast et qu'il se reconnaît, désolé à toi. Voilà. Déjà que c'était pas lui. Denis Brognard. Non, je suis sûr. Je l'ai vraiment dévisagé. Est-ce qu'il a dit ah? Non, c'est non pas il lui. A dit c'est excusez-moi, mais ouais, je trouve bah, c'est un peu impoli. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est pas lui. C'est pas lui. Donc c'était pas lui. Tu l'as croisé dans le métro ou dans la rue? Dans la rue. Okay. Il prend jamais le métro, il ne se déplace qu'en pagaie. Enfin, tu vois, c'est du tout en avance. En paddle. France Télévisions. C'est la famille ou pas? C'est la MIF. C'est la MIF, c'est la MIF. Plus précisément, Nagui. Oui, exactement. C'est vrai que toi, t'es un Nagizous déjà. Je suis un Nagizous. T'as travaillé avec Nagui. Déjà, on avait dit de garder secret. Pardon. Non, mais t'as bossé avec aussi 2-3 nazis par le passé, mais ça, oui. Avec Nagui, t'as travaillé avec Nagui et Sophie Davant quelque part. Bah, j'ai été sur le plateau du Téléthon, effectivement, avec un sublime brushing aux côtés de Bilal Hassani. Bien sûr. Incroyable. Et juste après les Gypsy Kings. Bien sûr. C'était vraiment. Camelot, ça, non, mais arrête. Après 48 heures de live, c'était intense. Bien sûr. J'ai détesté ce moment. Mais il s'est excusé. Comment ça? De quoi? Non, Nagui, mais Nagui. Ou Nagui? Ah, non, on présente ses excuses, on ne s'excuse pas soi-même. Allez, je déteste ça. Pierre, faut savoir, avec Pierre, Adrien, quand on lui dit pardon ou désolé. Non, non, pardon ou désolé, ça va. Ouais, je m'excuse. Ou excuse-moi, si on dit excuse-moi, il dit non, on mais présente ses excuses. Je suis totalement d'accord. Et ah ouais. Mais moi j'ai ce truc à l'inverse où je dis pas je te présente mes excuses, même si je sais que c'est correct, parce que je trouve que c'est trop formel, ouais, et j'ai peur qu'on prenne pour une folle. Je suis d'accord. Bah donc on doit dire ça, mais t'aimes pas ça? Non mais tu vois, c'est le truc, c'est si tu non, dis coup, je te présente pardon. Mes excuses, ouais, c'est genre ah ouais, je vais mettre une perruque de Louis XVI. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec ça, c'est toi ouais, qui dis désolé. Ah oui. Papa, maman, désolé. Ouais, je ressens ouais. comme une envie de m'isoler. Ouais, j'ai côtoyé pas France Télévisions. Bon, bah, du coup, Nagui. Du coup, oui. Donc, Nagui a présenté ses excuses. A présenté ses excuses. Parce qu'il avait eu des. Parce qu'il avait eu des mots un peu crus sur les gamers. Et Dieu sait qu'on adore les gamers. Ah, bâtard. Lors d'une émission. Et quand je suis passé, il a dit effectivement, les gamers font des choses très bien. Mmh, oui, il a dit, c'est charmé, j'ai joué à Red Dead, on peut taper des chevaux. Oh, mémeur. Mais c'est un mème, ça aussi. C'est un mème, mais j'adore les mèmes. C'est incroyable. Donc France Télévisions a dû verser 10 000 euros à quelqu'un qui est devenu un mème sur Internet, à votre avis. France Télévisions. Ah, alors attends. Ah, c'est, est-ce que je suis pas venu ici pour souffrir. Voilà, c'est ce que j'allais ça. Dire. C'est pas ça. Alors c'est bah c'est pas qui vous dit que je suis un homme parce que non. C'était pas. C'était pas non, c'est sur Arrêt sur Image. Ouais, ouais. Ouais. Du coup c'est alors c'est quelqu'un qui est passé dans une émission sur France Télé, sur France Télévisions. Sur France Télévisions. Et derrière c'est devenu un mème très heure... célèbre. Hein, est-ce que c'était à une heure de Grande Égoutte ou pas? Très Grande Égoutte, je peux vous le dire, même c'était pendant le JT. Est-ce que c'est? Ah. Est-ce que moi j'ai mais ça m'étonnerait que ce soit lui. Je sais. Tente-le. Je pense que Pierre a la bonne réponse. Non, moi je pensais que c'était. Mais j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Le mec a hébergé les terroristes là, c'est pas lui. Jawad. Ouais, Jawad, non. Non, ce n'est pas Jawad. Ça date un peu. Jawad. Non, puis que Jawad gagne 10 000 balles. Bah, c'est pour ça. Après, il a demandé. Ah, non, très chier. Voilà. Ils l'ont versé. Ils ont versé. Ils ont gagné. Ah, okay. Le même a gagné. Le même. L'homme même a gagné. Donc c'est un homme. C'est un homme. Et non pas, qu'est-ce qui vous fait dire. Ok, ok. Célèbre même. Pierre là. Non, mais on va dire que c'est une. Oui. T'as dit pain. Ouais, parce que j'ai dit Pierre là. Ah, d'accord. Allez. Ah, tu vois, c'est pas mal. D'accord, bien. Et, t'as dit pain? C'est quoi cette blague? Non, mais parce que c'est un mème également. Ah, mais. En fait, pas de quelqu'un de la télé. Je vais vous orienter. On est d'accord qu'il a pas décidé d'aller dans une émission et quelqu'un non. est venu. C'est un mème dans à sa son propriété. Insu. Voilà, c'est ça. Un mème à son insu. Ah, c'est le gars avec la pelle. Très et bonne réponse. Ah, mais oui, bien sûr. Oui, le vieux à la pelle. Oui, il a bien fait de les attaquer. Ah, bah oui, non, mais franchement, oui. Oui. Ils ont diffusé des images sans son consentement. Exactement. Le tribunal de Dax a condamné le groupe audiovisuel public à 10 000 euros de dommages d'intérêt à Jean-Marc Dutouya. Ce chasseur landais était apparu dans un reportage sur la chasse. Ah bah oui, parce que c'est pour ça qu'il était sorti en série. Ah oui, j'avais oublié que c'était un chasseur. Ah, mais beaucoup moins. Je suis moins content qu'il ait préféré qu'il meure à la place. Vous êtes tous de droite. Non, alors en gros, ce chasseur landais était apparu dans un reportage sur la chasse en slip avec une pelle à la main. Devenant malgré lui un véritable mème sur internet. Il avait dans un premier temps demandé 200 000 euros. Bon, calmos quand même, Jean-Marc. Calmos les amis, oui, d'ailleurs, oui. En passant. Le tribunal de Dax condamne ce mercredi 15 septembre le groupe Audiovisuel à 10 000 euros. Putain. Voilà, tout simplement. Donc en fait, on a fait. Tous les gens qui ont partagé ce mème ont fait gagner 10 000 balles. Exactement. Un chasseur. Un chasseur en slip. C'était pas la chasse à la glu. J'ai un peu la haine. C'était sur les oiseaux, je crois. Ouais, que je crois. Tu sais, c'est les cages à oiseaux, enfin les trucs à oiseaux pour choper. Ouais, c'est ça, la glu. Ouais, ouais, puis de la glu sur les branches. Ouais. Dégueulasse. Vous avez vu d'ailleurs la manif de chasseurs. Bah, tu peux expliquer, ouais. En fait, il y a une manif de chasseurs parce que là, il y a des nouvelles lois. De ruraux. Des ruraux, déjà. On dit des ruraux. En fait, ils se défendent en disant on est respecter les ruraux, c'est genre oui. Ils sont bah après, des chasseurs. C'est des chasseurs en oui, non, mais c'est ça. C'est des lois contre. Ils utilisent ce terme. Ouais, ouais, oui, c'est d'accord. Voilà. Et donc. Exactement. Et les mecs, il y en a un, pas les mecs, il y avait un mec qui avait un panneau avec écrit sans lui, pas de loisirs. Et sur la pancarte, il y avait un pigeon vivant attaché. Voilà. C'est-à-dire qu'il était, il avait les pattes attachées à la pancarte. Pas de loisirs. Oui, c'est-à-dire la chasse étant un loisir. Bah, pour eux, oui. Bien sûr. Pour les chasseurs, oui. C'est une communion, oui. Finalement. Ouais, je sais pas, peut-être si ça aurait pu être quelqu'un de fan de pigeons voyageurs. Ah ouais, non, c'était. Non, le loisir était où là. Lui tirer une putain de balle dans le corps pour qu'il crève, hein, dans le but qu'il crève. C'est ça mon loisir. Il n'y a pas spécialement de nourriture là, un pigeon, ça se mange pas spécialement. Il y a vraiment, il y a aucun argument qui tient. Si, ça se mange le pigeon. Oui, ça peut se manger. Pas l'ombe. Délicieux. Ah oui, non, je sais pas. Non mais ça. Regardez le vegan. Tout se mange, hein. Qu'a-t-on appris d'un sondage portant sur le sexe et l'intelligence artificielle, pardon, Nagui, Sorti il y a peu. Nagui, c'est. C'est-à-dire Nagui. D'accord. Ah oui. Donc, je reformule, qu'a-t-on appris d'un sondage portant sur le sexe et l'intelligence artificielle sorti il y a peu? L'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une intelligence artificielle qui s'incarne dans quelque chose de concret, genre un robot? Exactement. D'accord. Wow. Très bonne réponse. C'est un robot. Alors, du coup, sur quoi porte le sondage? Eh ben, seriez-vous prêt à baiser un robot avec une intelligence artificielle? J'aurais pas dit mieux. 80% des gens disent oui. Oui. Eh ben alors, ce n'est pas 80%, oh, mais 60. Menteur. C'est un peu 40% quand même. Ah ouais. Ah. 40% serait prêt à faire l'amour avec un robot. Et ça donne une idée de ma réponse du coup. À 80%. Bah quoi, tout le monde? Quoi? Tout comment le monde? Non, mais je vais faire. Non, mais faut écouter une mammouth. Non, mais pour tester, je passe pas ma vie à faire ça, mais si on me propose, genre au parc Astérix, s'il y a une attraction. Au lieu de la poubelle qui mange du papier, c'est un robot qui veut ta bite. La poubelle parlante. Mais non. Je vais te sucer. Oh. J'ai bien. Très faim. J'ai très très envie de te sucer. Non, c'est fou par Castérix. Vous savez qu'il a un compte Twitter, lui. Ah, la poubelle, paraît. Bien sûr. Mon Dieu, bah on l'embrasse d'ailleurs, oh, si elle nous oui, écoute. Oui, on l'embrasse. Ouais, prochaine invitée du podcast. Oh, est-ce qu'il a un nom? La Poubellix, peut-être. Poubellix, ce serait plus par Castérix. Ah, moi, Détritus. Non, c'est un autre personnage, ouais. C'est un vrai personnage. Sur Twitter, ça s'appelle juste la poubelle. La poubelle du podcast. Ouais, mais on veut le lore. Je pense qu'il a pas de nom. Je pense qu'il a pas de nom. C'est triste quand même. Déjà, on n'a pas sa nationalité. Non, c'est ça, la poubelle parlante du parc Astérix, ouais, du papier. Très papier. Décent. Ah, oui, son vrai nom. Ah, est la muse Bouche. Oh, c'est nul. C'est des jeux de mots. C'est la France. Non, mais c'est pas du tout. Ça fait pas partie du lore Astérix. Il y a toujours. C'est une muse et son nom c'est Bouche. Bah, c'est son surnom alors, mais je suis pas. Non, j'aime pas. On sent que Goscinny n'a pas. Je suis pas convaincu non plus en vrai. Ouais. C'est ce qu'il a tué d'ailleurs, je crois. C'est le nom de ce personnage. Ne changez pas le nom, je me crève. Je me crève devant vos yeux. À noter quand même dans ce sondage que 32% n'auraient pas la sensation d'abuser du robot. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 60. Ah putain, mais ça portait là-dessus le truc. Attends, ouais. Quoi? C'est-à-dire qu'il y a 60% des gens qui auraient la sensation d'abuser du robot. Ah. Voilà. Ah ouais, là ça dépend quel genre. Alors de, ça devient très glauque. Bah ouais, bien sûr. Ouais, faut. Oh là là. Ah, mais tu vois, la question se pose. Toujours sur 80%. Ah, la non, question mais, se pose. Bon, ouais, non, d'accord. Non, mais c'est une intelligence artificielle, donc voilà. C'est vrai. La question se pose. Et je l'ai posée d'ailleurs. Je vous la pose. C'est comme dans le film Heure, finalement. Bonjour monsieur, vous êtes qui? Je suis fan de films. Et vous, j'ai l'impression que vous trouvez des sujets de société dans tous les films. Ah oh bah toujours. Récemment, j'ai vu Fast and Furious 9. Oh. Et vous, et alors? Quel est le nom de votre podcast? Quoi? Bon, je mettrai un bip. Ouais, 24-30. Bon, je m'en mange. Alors, pardon. Alors, ça a été avorté très vite. Une chieuse folle a été arrêtée au Canada. Quelqu'un qui chiait un peu partout. Oui, oui. On a eu l'image, non, t'en fais pas. Pas une chieuse, pas quelqu'un de embêtant. Oui, vraiment, oui. Quelqu'un qui chie littéralement de la merde. Potentiellement un peu embêtant, mais. Je parle vraiment de quelqu'un qui chie de la merde. A été arrêté au Canada, mais relâché. Ah. À votre avis, qu'est-ce qui l'a permis de partir? C'est quelqu'un qui en fait faisait le tour du voisinage et chiait dans elle les jardins de tout le monde. Comme l'âne dans Podane. Non, pas du tout. Elle a dit que c'était pour le bien du jardin. Non. Que ça faisait de l'engrais. Non. Pour vous expliquer, c'est au Canada à Winnipeg et les habitants. Winnipeg. Oh, il retombe toujours sur ça. Les habitants ont commencé à mettre des panneaux no pooping un peu partout. Au cas où c'était pas évident. Parce qu'on recensait quand même 4 ou 5 merdes par jour. Donc c'était quand même. Attends, ah oui. Elle seule. Elle seule, à elle seule. Mais qu'est-ce qu'elle a comme régime, cette dame? C'était pas un réseau. Bah alors justement, vous allez voir, peut-être que ça répond un peu à votre question. Ah, elle a prétexté que c'était un truc médical et qu'elle était obligée de chier. Alors, non seulement elle a prétexté, mais elle a prouvé. Elle l'a prouvé. Ah oui, en chiant 3 fois pendant l'interview. Là, j'ai pas pu me lever depuis 10 minutes, j'ai chié 3 fois. Donc. Le coupable a été arrêté, indique la police. Alors déjà, il y a eu un petit, c'est Seven, hein, cette histoire, puisque elle était la deuxième suspecte dans l'affaire, et c'est les locaux qui ont accusé quelqu'un qui n'était pas le coupable. Quelqu'un a été faussement accusé de chier partout. J'imagine, quand tu te fais accuser et que c'est pas toi, tu dis, mais qu'est-ce qui fait croire aux gens chez moi que je peux être un gars qui chie? Ça suit une grande introspection derrière. C'est clair. Et la police de Winnipeg, du coup, a posté sur les réseaux sociaux, nous mettons en garde les résidents contre le partage d'informations liées à des enquêtes criminelles qui n'ont pas été vérifiées par la police. Don't fuck with cats, mais avec de la merde. Exactement. Et du coup, elle a été relâchée parce qu'ils ont estimé que qu'il fallait la relâcher, ou est-ce exactement. Que c'est d'accord. Okay. En fait, en gros, c'est pas parce que l'odeur était immonde et du coup qu'elle nageait dans sa propre merde. Non, pas du tout. D'accord. Le phénomène qui la touche est communément appelé la crotte du runner. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a eu un, ouais, ouais. Ah, pardon, un buzz. Excusez-moi. Le phénomène du coup est communément appelé la crotte du runner, et on pense qu'il affecte 20 à 50% quand même des athlètes pendant ou immédiatement après l'exercice. La cause n'est pas claire, mais les experts de la Mayo Clinic, que un nom bizarre, affirment qu'il existe des moyens d'y faire face, comme boire beaucoup d'eau et limiter votre consommation de fibres, d'alcool, de sucre, de caféine et de produits laitiers avant une course. Donc en fait, c'est qu'elle faisait son jogging et ça a trigger. Et elle avait la chiasse, voilà, tout simplement. Voilà. Ah oui, d'accord. Et bah, faut trouver un nouveau sport, quoi. Bah, du vélo peut-être déjà, oui, parce que du coup, t'es assis. Mais... S'acheter un petit tapis de course. Ouais, non mais voilà. Tout à fait, rester à la maison. Savez-vous ce que va être la Speeder qui va être commercialisée en 2023? Speeder. Là, c'est tiré un nom de nouvelle drogue. Ouais, c'est vrai que j'ai pensé à ça. Les jeunes prennent de la Speeder. Mais ça doit être moins. Oui, vu que ça. Une drogue dans Bad Boys. Une trottinette, un type de trottinette. Alors non, mais tu t'approches. Un véhicule. Bon, déjà, c'est un véhicule. C'est une petite voiture gratuite dans laquelle on peut retrouver un cadavre. Et ça, c'est sympa. Alors, ce n'est pas ça. Une voiture volante. Une voiture? Tu t'approches, Pierre. Ah, c'est les. Un skate volant. Non. Une trottinette volante. Les hélicos Uber, non, là. Enfin, vous êtes presque. Trottinette volante, on n'est pas loin. Hein. Un scooter volant. Est-ce que c'est volant? C'est volant et c'est une moto volante. Oh là là. Je l'apprends. Alors voilà, directement. Une moto volante. Voilà, on sait déjà de quoi je vais me servir. Alors voilà, non, justement. Une moto volante grand public à 325 000 euros. Quand allez, même. C'est donc non pour moi. On va foutre des pubs au milieu ça du podcast, je peux vous le dire. L'autre modèle. Après, on peut être partenaire et en avoir bien une gratuite. Ah bah, si Speeder veut sponsoriser ce podcast, avec grand plaisir. Hein. L'autre modèle aurait quant à lui un temps. De, enfin, le modèle, pardon, de base aurait un temps de vol de 35 minutes et pourrait atteindre les 400 km/h. Oula, pardon. Ah oui, en 30 minutes, du coup, tu vas loin. Salut, chérie. À condition d'avoir une licence de pilote. Bah oui, bien sûr. Je suis prêt à le passer. Les ingénieurs de la société ont travaillé pendant près d'un an et demi pour réussir à mettre au point un système intuitif qui fonctionne comme une moto et qui stabilise automatiquement la machine en vol. La moto serait également capable de décoller et d'atterrir verticalement sur la plupart des surfaces dans un espace équivalent à celui occupé par une voiture. Du coup, ça s'envole, ça s'envole, quoi. Ouais, c'est pas juste en fait, c'est non, tu décolles sol, comme là, un hélico et après t'avances. Ouais, c'est un peu ah, comme d'accord. Un hélico. Ok, moi j'étais sur un petit truc qui lévite, quoi. Oui, comme dans Retour vers le futur, un peu. Ouais, non, là on parle vraiment de voler comme un avion, quoi. Le pilotage pourra être manuel ou autonome et le carburant devrait être 100% zéro carbone. Mais ça va être aux États-Unis d'abord, non? C'est hyper dangereux. Ouais. Mais des précommandes sont déjà disponibles. Ouais, mais je pense que de toute façon, c'est le genre de truc où ça sort, mais en fait, les lois autorisent pas. Déjà, tu peux pas faire voler un drone. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je pense à ça. Et c'est comme le lance-flamme, à un moment, tout le monde voulait acheter le lance-flamme d'Elon Musk. Ouais, au final, ça s'est jamais. Là, du coup, c'est plus compréhensible. Non, mais je veux dire, c'est pareil, tout le monde disait on peut l'acheter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde disait vous allez pouvoir acheter un lance-flamme, mais bien sûr que non, en fait. Bah, tu peux l'acheter, mais tu l'utilises chez toi, imagine. Dans ton jardin, tu brûles des trucs. Je l'aurais fait. Mais en tout cas, les clips de Jules vont être beaucoup plus incroyables. Il va arriver sur scène avec. En Y. Bah ouais, en Y, il peut se casser la gueule du coup. Ouais, par contre. Il faut qu'il y aille en U, peut-être. Enfin, ou en T, peut-être, mais pas en Y. Un adolescent a été transporté à l'hôpital après avoir voulu vérifier quelque chose. À votre avis, qu'a-t-il fait et pour vérifier quoi? Il y a un échange de regards. Sur lui. Sur lui, effectivement. D'accord. Dans lui, peut-être. Alors. Ah, c'est le câble USB. Quoi? Encore? Alors. Dans l'urètre? J'ai non. Vu ça. Attendez. Écoutez, le câble USB dans l'urètre, on en avait parlé, effectivement. Il y a eu un câble. C'est une histoire complètement différente, puisque c'est un ado qui s'est mis des écouteurs dans l'urètre. Donc vraiment. Oh, arrêtez de mettre des trucs dans votre urètre, je vous en supplie. Mais c'est fou. Je vous en conjure. Mais tu lances une asso, je crois d'ailleurs. Oui. Tu vas aller dans les écoles expliquer. Écoutez, c'est ridicule. C'est ça. Ouais, l'adolescent. Une pensée pour une urètre. L'adolescent voulait vérifier la taille. Alors, je sais pas vraiment de comment. De quoi? Bah de son trou d'urètre. De son pénis. La taille. Ah oui. Hein? Bah, prends un mètre. Oui, puis fais-le de l'extérieur. Surtout ça, ouais. Attends quoi? Bah, il voulait... Ah. Mais... Oh. Oh. Ah. Attends, ah. C'était non, pas des le même d'ailleurs. C'était, hein. Des, oui, c'était oui, des AirPods ou c'était filaire du coup? Non, c'était filaire. Non, c'était filaire. Parce que c'est dans l'AirPod. Ah ouais. Ouais, dans les AirPods après avec le Bluetooth, attention, ça rend pas fertile. Clairement, ils vous laissent le mettre dans l'urètre et mettre de la musique avec des basses pour. Pour faire comme quand tu mets dans ta bouche et que tu fais. Non, mais pour voilà, pour les vibrations quoi. Puis il a pas voulu. Bah, je sais pas. Dit, je vais m'en sortir avec une histoire de je veux juste vérifier la taille comme un mec cool. Bah, tout le monde dit bah fais l'extérieur. Ça n'a aucun sens en fait. Clairement, c'est un peu honteux. À voir avec le câble USB de l'autre là. Non mais l'autre c'était pour le plaisir justement. L'autre qui masturbait, c'était ça. C'était masturbait sans toucher. Parce que moi j'avais vu que c'était pour mesurer aussi. Ah ok, d'accord. Oui, mais je pense que c'est les excuses des mecs. C'est comme les mecs qui vont aux urgences avec un truc dans le cul et disent ah bah je faisais mes courses et puis je suis tombé, mon pantalon il s'est accroché puis je suis tombé dessus. Oui, ok. Il y a une gerbille. Je viens de tourner dans Pretty Woman et j'ai glissé. Bah alors. C'est Richard Gere qui se met des gerbilles dans le cul. On le rappelle. C'est une légende. Il va peut-être porter plainte contre toi, comme non. L'homme à l'appel et on se loge. Putain, fais gaffe. Il a beaucoup de plaintes à porter avant d'arriver à nous, je pense quand même. Ouais, beaucoup de gens. South Park, déjà, je pense. Ouais, non, mais il y a beaucoup de gens. Ricky Gervais aussi. Oui. Donc, pardon, pour finir cette belle histoire, quand même, l'adolescent a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il a refusé que sa mère l'accompagne, car il avait honte. Non, c'est la honte. T'en parles pas à tes copines, hein. Ça va, c'est bon. Vraiment, la mère qui a dû dire, c'est vraiment ma présence qui te colle la honte, c'est pas juste que t'as des écouteurs dans l'urètre. Moi, je vais pas en parler, ça peut te rassurer, je compte le garder pour moi. Hein, je te confirme que c'est la honte pour tout le monde. À l'hôpital, le jeune homme a avoué qu'il avait inséré ce câble dans son pénis par curiosité sexuelle. Il voulait mesurer Il voulait mesurer la taille de son sexe. Mais non, mais c'est faux. Il voulait vraiment, comme tu dis, des grosses basses, la bonne drum and bass du Skrillex, encore une fois. Voilà. On y revient. Dans son urètre. Skrillex dans son urètre. Malheureusement, le titre. C'est pas le cas. Mais sachez, ça finit bien à la manière de Amélie Poulain. Okay. Pas sûr de la. Ouais. C'était pour le fan de Cinoche. Oui, autant de poésie pour Amélie Poulain, en tout cas. Pardon. L'adolescent a été opéré et ils ont pu retirer. Ah oui, il y a une opération quand même. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est gros, un écouteur. Ouais. Bah ouais, mais si ça rentre. C'est pas un casque Bose, mais quand même, ouais, il y a un truc de. Mais il pissait du sang, le pauvre, quand même. Ah. Bah ouais, quand même. Il y a peut-être un effet, je sais pas, ventouse. Ouais, c'est ça, je pense. Il doit y avoir un truc comme ça, quoi. Peut-être. Dans le Loiret, une librairie a été contrainte de vendre le livre d'Éric Zemmour, mais a trouvé une parade. On a tous vu et ça. Et vous savez quoi? Combini a dit que c'était une véritable masterclass sur Twitter. Qu'ils ont tweeté le. Attendez, est-ce qu'on peut dire aux gens quand même ce que c'est? La réponse, vous l'avez tous apparemment. Oui, bien sûr. Bah, je vous en prie. Bah, vas-y, Pierre, attends, c'est toi le gaucho. on t'écoute. Eh merde. Non, mais effectivement, ils ont fait genre. Toutes les recettes. Bah, on va les donner à une association qui accueille les migrants. Exactement. C'est ça. Exactement, dans le Loiret. Ce qui est complètement con. Pourquoi? Bah, ça veut dire que t'es obligé de refiler quand même un pourcentage de thunes à Zemmour pour ça. Non, en vrai, si tu veux filer de l'argent. Je trouve ça un peu cynique, non? Ouais. Cynique et Diams, ouais. Oui. Allez. Pour moi, c'est du buzz. C'est pour le buzz, t'as pour toi. Non, pour toi, c'est pour le buzz. Non, mais je comprends le truc, mais déjà, commande pas et mets en avant d'autres choses. Mais alors, il y a des gens qui disaient, ouais, mais t'es obligé de commander si l'éditeur te demande, machin, etc. Ce qui me paraît sans doute faux, parce que sinon, tu te retrouves avec un milliard de livres. Surtout que c'est un éditeur ultra indépendant. Zemmour. Enfin, c'est qu'il n'y a pas la pression de devoir prendre plein de livres de Gallimard. Ouais, je sais. Non, mais d'ailleurs, j'aurais fait un pack, moi. Ouais. Genre, tu vends le livre de Zemmour avec. Tintin au Congo. Mais est-ce que t'as le droit? Voilà, non, à l'inverse, un truc à l'opposé. Non, je sais pas. Mais elle, la patronne de cette librairie, dit que c'était justement plutôt pour que les gens puissent s'exprimer. Enfin, comment dire, justement pour ne pas être accusé de censurer, en gros. Donc, il y a quand même une volonté de. Voilà, donc de vendre le bouquin, quoi. D'accord, volonté de vendre le bouquin. Elle a mis en avant une citation que je ne retrouve plus dans mes notes de je sais de pas, Voltaire qui disait Isaac Newton, les masterclass. Hommes, c'est incroyable. Vas-y, la citation. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Bon, allez, nique-toi. Ouais. Enfin, Pierre. Eh oh! Non mais. Flyrider là! Calmos! Calmos! Oui, mais c'est bizarre de dire ça, mais du coup, quand même en portant un jugement sur le truc que tu vends, parce que clairement, si elle refile les recettes, c'est pour dire qu'elle est. Enfin, tu vois, que. Ouais, non, peu... je suis d'accord. Du coup, il y a un côté. Bah, ça soulève des débats. Soit tu construis des ponts de façon objective, machin. Ouais. Soit tu. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Je pense qu'il y a quand même un côté genre. Puis là, tu construis un pont à. à quelqu'un de... Oui, voilà, puis oui. En Asie, en vrai. Enfin, tout simplement. À Nagui. Tu le jettes du pont à Nagui. Nagui, attention avec tes propos. Aïe, je suis désolé, il faudra biper ça. Ouais, dites pas de mal de Zemmour dans ce cas, s'il vous plaît. Quel trophée peut-on voir sur le bureau d'Olivier Véran? Le bureau de chez lui ou son bureau, non, son bureau de ministre. Menteur en chef. Ah, oui. Un t-shirt super ministre. Un trophée quelqu'un qu'on a pas assez fait justement. Oh, trophée, c'est pour ça. Ah, merci, c'est ce que je n'avais pas moi. Un trophée de quoi? Alors, sport. Alors, quand tu dis trophée, c'est vraiment l'objet ou c'est non, c'est dans pas le sens, un truc dont il est fier? Non, c'est un truc qu'il a encadré. Un papier, un papelard. C'est un papier. C'est pas un papier. Ah. Est-ce que c'est un mug meilleur papa? Oui, non, mais non. C'est ça. C'est un t-shirt. Ce ministre-là aime la moto. Et Capricorne. Et Capricorne. Oui, c'est lui qui m'a offert ce t-shirt. Y a-t-il un rapport avec son urètre? Alors non, le l'urètre aïe d'Olivier Véran n'a rien à voir avec cette d'accord histoire. Encore que peut-être on sait pas, mais j'allais dire attends de voir. Mais est-ce en que c'est un rapport avec le sport? Ça n'a pas un rapport avec le sport. Alors attends, t'as dit que c'est pas un papier. C'est pas un papier. Mais il l'a fait encadrer. Oui, sous-vert, c'est sous-vert. Il l'a mis sous-vert. C'est un t-shirt. Fromage. C'est un maillot. C'est pas un t-shirt, c'est pas un maillot, une statuette. C'est pas une statuette, mais pensez que Olivier Véran qui est ministre de la santé. Voilà. Oui. Donc c'est une seringue, un stéthoscope. On s'approche. Oh, son pager. Pensez à il est dans urgence, le mec. Pensez à Actu. C'est le premier pansement qu'il a utilisé une fois. En fait, c'était Guillaume. Il lui avait écorché le genou. Et il a eu une croûte. En rapport a avec gratté, le vaccin. Alors ça l'a marqué. En rapport avec le vaccin, c'est le premier vacciné de France. Oh là là. Alors pas le vacciné parce que du coup, ce serait un être humain. Non mais c'est lui qui a été le premier vacciné. Non. Non, je sais pas. En tout cas, la dose de Astra ou je sais pas. C'est les trois. C'est trois petits flacons contenant chacun respectivement un échantillon de vaccins AstraZeneca, Pfizer et Moderna. Ce sont les trois premiers vaccins à avoir été autorisés en France. C'est tout un symbole pour lui. Et voilà. Donc sur son bureau. Sur son bureau. Vachement dangereux. Ouais. Et un. Oui, c'est ça. Et le Covid à côté. Sur un autre jeu, littéralement le Covid sous une cage de fromage. Nicki Minaj. Ah oui, bah ça j'ai vu, je crois. Ah oh, bon, direct. Non mais vas-y. Va bah, mais... devoir rencontrer des spécialistes du Covid. Moi, j'ai à votre vu, avis, pour quelle raison? J'ai vu ça. Parce que je sais qu'il y a des amoureux de Zico. Il y a des Zico. Oui, mais bah, malheureusement j'ai streamé et on m'a parlé de ça et du coup je suis allé le voir. Bah je t'en supplie. Et j'ai dit que... et vraiment j'ai dit en le lisant, je me suis dit mince, c'est ça va peut-être empiéter sur le podcast. Et tu vois. Et bah banco. Et bah banco mon pote. Je dis rien. Ah, banco la caravane. Du coup c'est un truc, je suis pas sûr, mais c'est un truc en rapport avec le vaccin. C'est le fait qu'elle ne veuille pas se faire vacciner. C'est ça. Mais c'est parce la raison. Parce que, oui, je sais. Elle a lu un raison truc. Enfin, on lui a dit, on lui a parlé d'un truc. Oui. Ah, elle a dit, c'est ça. Elle a dit sur Twitter, oui, renseignez-vous avant de faire n'importe quoi, machin. Et oui, tout. Mais c'est oui, ça, mais c'est pour une raison particulière. Attends, c'est pas par rapport à son cousin. Si. C'est par rapport c'est à son cousin. Ah, c'est ça. C'est le cousin à qui d'ailleurs. Je ouais. C'est, non, c'est un pote de son cousin. Un pote de son cousin. Qui a eu des problèmes. Qui a eu des énormes couilles. Oui. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. J'ai qui a ça enflé des testicules. C'est McFly, on peut le dire. C'est, on peut le dire. McFly, c'est la binôme. Parce que bon, c'est une private, mais il a des grosses couilles. Voilà, vous oui savez. D'accord. Comme. Bah, elle a traversé, c'était pas sur un canoë, c'était littéralement, littéralement sur ses couilles. Ah, okay. Comme nous l'avons fait avec d'autres, nous avons offert un échange téléphonique à Nicki Minaj avec l'un de nos médecins pour répondre à ses questions. Ah, c'est au téléphone, je pensais qu'elle allait à la Maison Blanche. Ah non, genre, apparemment c'est au téléphone. Ah, je suis c'est un peu au téléphone. Elle a été reçue par Joe Biden. Je pensais qu'elle est. Elle dit, oh, ouais, j'ai deux minutes là. Du coup, si elle est pas vaccinée, est-ce qu'elle peut entrer dans la. Oh, oh, est-ce qu'elle est pas sanitaire aux States? Bon, je pense. Je pense. Je sais pas. Donc voilà, elle a vérifié ça. Et hélas, on lui a dit bah non, pas du tout. Bien sûr que non, ça ne fait oui, évidemment oui pas enfler les couilles. Les couilles. J'ai vu qu'il y avait une manif pro-passe sanitaire dimanche. Ah ouais? Ouais. C'est marrant de. Mais c'est tard surtout. Enfin, manifester non, pour ouais un truc déjà non, en qui, place. Oui, qui est ça. Oui, qui est... Ouais. Je manifeste pour les passages mais piétons. Il y en a, hein, c'est bon. Ah, mais c'est bien, pour une fois qu'on manifeste pour un truc genre qui oui est là et qu'on peut dire oui, ok, oui c'est bien, on est content, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. On va passer aux questions que se posent nos auditeurs. J'ai dit, on a dit aux auditeurs que vous étiez invités et ils ont des questions à vous poser. La zic. Les questions que se posent nos auditeurs à de nos invités. Alors, c'est toi qui chante ça? Pas du tout, c'est Adrien. Non, non, non. Vraiment, je découvre. Une question. Alors déjà, une question pour vous deux, car effectivement, Hortense, Pierre, vous êtes derrière l'émission Laserdisc. Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer même devant nos... aussi, d'ailleurs. Et devant, parfois, et même un peu autour, parfois. Je et parfois, dire. Autour. Ouais, gravite, ouais. Comme disait Yannick, à gauche, à droite, en haut, en bas. Surtout à gauche. Qu'est-ce que Laserdisc? Comment on pourrait dire? Comment on pourrait décrire Laserdisc pour nos amis auditeurs qui n'ont peut-être pas encore regardé? Eh bien, c'est une émission bimensuelle sur la pop culture, avec des invités, ma foi, plutôt qualitatifs à chaque fois, et des hosts qui sont également plutôt qualitatifs. On essaye, ouais, effectivement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a quand même un live de musique à l'issue de cette émission. On essaie de s'inspirer un peu des plus grands podcasts, donc juste établir une discussion et de faire un pont souvent aussi. De quoi, pardon? Pas nous du tout, du coup, parce que nous, il n'y a pas de concert. Non, mais je veux dire, dans la discussion horizontale. Ah, t'as une petite. Au youku. Au youk. J'ai pris mon petit youk. Invité musical, du coup. Enfin, concert à la fin. Il y a concert à la fin, mais si on veut faire un pont entre les créateurs et créatrices. On construit des ponts, nous, ici. Mais vous aussi. De l'internet à Zemmour, ce qui est pas mal. Et de la musique. D'accord. Donc voilà, on fait des discussions, voilà. Parce que moi, je trouvais que, effectivement, dans notre univers Twitch et tout ça, c'est vrai que la musique, on consomme pas mal et ça crée un peu. Puis, en plus, c'est deux univers, déjà, aux Stats, qui sont déjà bien liés l'un à l'autre. Voilà. Avec les streamers, maintenant, qui font beaucoup de streams avec des musiciens et tout. Et l'inverse, ouais. Voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que Twitch, pour le coup, j'avais. Alors, moi, tu l'as vu à l'intro, je connais pas grand chose sur Twitch. Pourquoi je l'ai vu à l'intro, non? Parce que je me suis trompé. Drame. Ah ouais, tu connais les subs. Mais je ne fais qu'y penser depuis le début. Tu sais quoi, je pensais que tu t'avais fait exprès parce que nous, pendant tout du long des Cousins Croûtes, les gens nous ont dit qu'on était frères. Ah oui, d'accord. Du coup, je pensais que c'était voulu. T'aurais pu faire grave. Un fiasco. Ah, grave. Non, non, c'était t'inquiète. Grave voulu. Non, il n'y a pas c'était de souci là-dessus. Non, mais c'est vrai que Twitch, il y a tout un débat sur la musique parce que c'est difficile en fait de mettre de la musique. Clairement, c'est la pire artistes. Idée de faire une émission musicale. Oui, très clairement. Mais comment d'ailleurs comment je pense avez... Non, on aurait pu faire une musique, une émission genre sur la pornographie. Ouais. Et là, ou alors la musique dans l'industrie. Vous auriez pu être dans une piscine tous les deux. Ouais, le top 10 et politique ça, en même top 10 des meilleurs peinés sur du Rihanna et voilà. Là c'est terminé voilà. Non, effectivement c'est un peu compliqué au niveau des ayants droit et typiquement il y a des catalogues qu'on peut pas approcher, enfin des artistes même qui voudraient bien venir dans l'émission mais malheureusement ils peuvent pas défendre leur projet, on les embrasse très fort. Donc c'est vrai qu'on a eu un peu de déconvenu, mais après on se dit qu'on va essayer d'essuyer les plâtres et peut-être faire changer d'avis des présidents de Universal. Ça n'arrivera jamais. mais bon voilà, après peut-être qu'on va essayer de voir aussi des musiques un peu plus émergentes et indées, ça peut être cool, même si on aimerait bien un peu de tout des apports forts pour faire un maximum de vues. Ça c'est une phrase que je dis souvent, il faut de tout pour faire maintenant un monde. On peut pas faire d'oseille, c'est Arte en plus, c'est là on est Ken. Ah, il y a pas de sub. Ben tu connais un peu Twitch. Oui, hein. Tu connais. Ah. Ouais. Non, pas de sub. Samuel Etienne, il fait des subs maintenant. Il ouais, mais c'est pas avec Arte. Non, je sais. Non, mais parce que lui, il disait. Oui, mais il est indé. Oui, je sais. Non, c'était juste pour placer ça. Ouais, parce que lui, il avait dit. Au passage. Non, mais parce qu'il avait commencé en disant. Il est méchant un peu ou quoi? Samuel Etienne. En fait. Il avait commencé en disant il y aura pas de sub et tout, et maintenant il y en a apparemment. C'est juste qu'on lui interdit, je pense. Mais il reverse tout à Zemmour, donc ça va. Twitch sans sub, ça quand même, ça enlève beaucoup d'interactivité, donc je comprends. Oui. En vrai. Non, mais bien sûr. Est-ce que ça t'est une envie? Alors Pierre, je connais un peu la réponse, oui. Parce que je sais à quel point la musique a ta place dans ta vie. Toi, t'as la musique dans la dans peau. La peau, littéralement. Hop, pas la oui. J'adore chanter. Surtout quand tu connais pas de tout. Il dit quoi? Bah alors, dis-moi. Après la musique. J'en sais rien, mon pauvre. J'en sais rien. Alors Tito, tu avais envie de faire une émission musicale même avant, ou est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? C'est Pierre qui est venu me chercher en disant hey, on fait une émission de musique ou quoi? Et du coup, c'est vrai que c'est un peu ça. Et en fait, ouais, non, moi c'est un truc qui m'intéresse. Je consomme énormément de musique, beaucoup de clips surtout. Ouais. Et du coup, j'étais très contente que Pierre vienne me proposer ça parce que j'avais pas l'impression que ce soit vraiment évident sur Twitch en tout cas. Mais pour moi, ouais, c'est. C'était une envie depuis longtemps de parler vraiment de musique, de recevoir des artistes et tout. Donc ouais, c'est cool de faire ça. Bah, j'ai des questions, alors un peu drucker, mais moi qui m'intéresse beaucoup. Bah, ouais. J'ai envie de vous poser, à tout le monde autour de la table, c'est quoi votre premier disque, le premier CD que vous avez écouté? Peut-être même pas le vôtre d'ailleurs, peut-être celui de vos parents, peut-être quelque chose, votre plus vieux souvenir d'album. Je sais que je vous prends un peu au dépourvu. Voilà, alors Adrien non, panique. Nous pas du tout. Parce qu'on fait notre... l'émission en fait. Voilà, ouais. On fait notre émission. Et c'est pour ça. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Ouais, bien sûr. Vas-y. Non, moi mes premiers souvenirs physiques palpables, c'était la compilation, donc j'oublie à chaque fois, mais je crois Fun Radio, Réservoir Rock, volume 2. Ah, c'était Fun Radio? Ouais. Je croyais que c'était de l'électro, moi, Fun Radio, depuis d'août. Non. D'accord. Voilà. Et c'est pas nous comme ça en fait. Et... Non, mais je sais pas. c'est pas ça. Non, en te regardant à chaque fois, en plus, on m'a donné la réponse suite à l'émission La Nerdiste, mais je sais plus si c'est Skyrock ou Fun Radio, mais il me semble que c'est Fun Radio. Et effectivement, ouais, il y avait Alanis Morissette, Rage Against the Machine, President of the United States. Et voilà, et ça, ça m'avait marqué. Comment tu l'écris ça? Ouais, je crois qu'il y a 8 R. Non, mais ouais, ça, tout de suite, ça m'a marqué. Et après, ouais, le Nevermind aussi, qui était en heavy rotation, comme disent les connaisseurs, que je. Et de toi, musique. T'es un heavy listener, je pense. Ah, je suis heavy listener, ouais. De ouf, ouais. Wow. Et moi, c'était une compile aussi. C'était une compile de 2012 des Energy Hits. Oui, parce qu'il y avait que des hits sur ce CD. Ah oui, voilà, ouais, d'accord. D'où le nom. Oui, voilà. Et du coup, je l'avais acheté juste parce qu'il y avait un single des Jonas Brothers dessus. Ah. Et j'étais très très fan des Jonas Brothers. Du coup, c'est le premier, c'est le premier truc que j'ai acheté de mon côté. Et sinon, je pense. En fait, j'ai un grand frère. Du coup, pendant longtemps, j'écoutais les mêmes musiques que lui. Et du coup, je pense que à ce moment-là, le truc que j'ai dû boucler le plus, c'est le Alive 2007 de Daft Punk. Ouais. Bien sûr, magnifique. Adrien. Alors. Ah merde. Non, mais c'est honteux. Mais alors, j'étais. C'était les Roucasseries. C'est vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin, malheureusement. Donc moi, déjà, je suis vieux. Hein, je rappelle. Puis j'adore la déconne et j'étais un gosse. Mais d'ailleurs, on t'appelle le vieux déconneur. Déjà, c'était un vinyle. Ah, déjà, alors c'est pas un album, mais je me rappelle pas de mon premier album. Mm-hmm. Mais le premier 45 tours. J'ai honte. Non, mais non. Et j'étais, non, non, mais j'avais pas 10 ans. Non, mais si. Attendez. Avant de dire ça, vous allez voir, c'était la gaffe. Ah, bah, on y revient. La boucle est bouclée. C'était hélas le single de la Zoubida. Non, c'était Beau le lavabo. Ah, quand même. Ah oui. Donc voilà. Non, mais celle-là, celle-là elle est chambée. Non, non. Autant non, la mais... Zoubida mal vieillie, autant Beau le lavabo. Non, mais tous ceux qui ont dit, mais y a pas de honte, reviennent sur leur sur non, leur non, propos. Non, c'est pas une honte, c'est. Si, non, si, bon. Si, si. Beau le lavabo, attends, c'est un banger. Je tiens à intervenir parce que moi je parlais de. Le clip fait très peur quand même. Oui. Mais je parlais de effets 3D un peu. Ouais. Ça fait très peur effectivement. Non, mais je parlais du premier album qui était dans ma vie. Après, j'ai clairement acheté la Schtroumpf Party, hein, parce que c'est vraiment le connard qui écoute rock et tout ça. No limites. Mais après, au niveau argent, vraiment que j'ai acheté ou que j'ai demandé à ma mère au Leclerc, c'était potentiellement Schtroumpf Party. Le Leclerc, bien sûr. Ou voilà quoi. Mais voilà, je voulais pas faire le connard. Non, mais moi j'avais l'album de la gaffe. Ah. Où il y avait Elle et Vacances, enfin il y avait plein de chansons. Sardou ça. Non. Je l'ai. Elle est jeune. Pierre et Vacances. Oh, wow. Un sponsor. Pierre par et Vacances. Contre. Oui, c'est moi. C'est toi, c'est ton prénom. Oui. Non, sinon moi c'est Beau peut-être. Beau le lavabo qui était quand même. Je recontextualise parce que là. Numéro 1 au top 50. Numéro 1 au top 50. Ah, mais longtemps en plus. Ouais. Hein, Chiche, on en fait un. Top 50, c'est utilisé dans la chanson, et c'est une parodie en fait à la base. Oui, à la base c'était pour dire avec n'importe quelle merde tu peux être premier au top 50. Il a été numéro 1 pendant des semaines et des semaines. Allez, paf dans leur gueule. Allez, les icônes. À mes yeux, Banksy, c'est la gaffe depuis le début. Voilà. Depuis le début. Non, sinon il y a un album d'aussi long que je me souvienne, c'est l'album de Fatboy Slim, You've Come a Long Way Baby. Bien sûr. Celui-là. You've Come a Long Way Baby. Oh, okay. Ouais, You've Come a Long Way Baby. Je suis Fatboy Slim. Je suis Fatboy Slim. Ouais, j'adore cette song. Non, ouais, celui-là, je me souviens que je l'avais un acheté. Un coup de foudre finalement. Non, mais de foudre, ouais. Je l'avais d'ailleurs cité dans quand j'étais allé dans la musique dans la peau, le podcast. Oui, alors on conseille aussi d'ailleurs ce podcast. Oui. Super podcast aussi pour. De frérot. De frérot de la Vega. Mm-hmm. Et toi, tu as déjà dit lavabo? Non, non, mais y'a que moi qui me suis humilié. Non, non, j'ai dit là, je trouve parti quand même. Non, oui, après, pour moi, me, c'est pour les Jonas Brothers aussi. Ça va. Non, par rapport à la gaffe, c'est vraiment Mozart. Hein. Bah, le problème, c'est que je suis pas sûr de trouver aussi fou que la gaffe dans ce que j'ai écouté. Non, mais moi, j'avais l'album. Déjà, l'album. Oui, l'album. Non, mais dis le truc stylé. Ah, si, non, j'ai le pourri. J'ai les deux. Attends, parce que la gaffe, c'était pas le pourri. J'avais. Donc le bien, c'est le Greatest Hits de The Offspring. Je pense que c'est le premier album que j'ai acheté avec mes sous. Bien après sûr. Moi j'écoutais pas mal les albums de mes parents. Ma mère a été disquaire pendant 5-6 ans. Ah ouais. Avant ma naissance. Avant ma naissance. Ouais. Et du coup elle avait. Mes parents achetaient beaucoup. Mon ton père c'était Pierre Paul Jacques. Cana, Trio, Java, la Ruquette, les Fatal Picard. Bon bref tout ça. Et Zine Sémilia bien sûr. Et Zine. Faut omettre aucun groupe, s'il vous plaît. Vraiment, passons des heures, mais faut vraiment pas. Moi j'adore. Je peux passer une émission entière, juste dire des vieux groupes de festivals. Mickey 3D. Mickey 3D, Asian Dub Foundation. Le peuple de l'herbe. Cana. Je l'ai dit, ah, ouais, t'es éliminé, putain. Je me sens clairement pas. Ouais, non. Ouais, pardon. C'est vrai que t'es un peu plus jeune que nous, c'était déjà passé. C'était déjà passé cette. Mais t'as échappé à ça, et ça, c'est beau. Le reggae. T'es pas allé au festival Tango Swing et Bretelles. J'y ai échappé, non. Non, parce que. Personne n'y échappe. Non, ouais. Ouais. Non. C'est comme le Covid. Hein. Ça va rester, je peux te dire. On va apprendre à vivre avec. J'ai grandi en banlieue, dans une petite ville de gauche. Okay. Et du coup, tout le monde n'écoutait que ça. Et moi, j'avais horreur de ça. Et du coup, en vrai, j'ai bouffé du reggae toute mon enfance. Ouais, moi, j'avais du mal aussi. Parce que le père c'est comme ça que je suis allé au métal, moi. Il y avait un peu un truc rebelle de oh non, mais moi, ça me saoule. Se révolter contre ton père qui était un énorme babou. Exactement. Qui faisait du, je rappelle, du DJ. À chaque repas, quand même. très chiant. Donc, The Offspring Greatest Hits, c'est mon premier album avec peut-être Golden Age of Grotesque de Monson. Okay. Mais un vieux souvenir que j'ai, c'est l'album de Koe. Qui était mis des parodies. Mais en fait, est-ce que c'est pire que la gaffe? C'est un peu la gaffe d'après, je pense. C'est tu Koe, vois. Quoi. Ouais, mais, non, mais... Ouais, remarque, ils ont chacun leur domaine. Bah, ils ont leur univers, Oui, non, c'est un peu Batman versus Superman. Un mais il y a plus dans le racisme et l'autre plus dans le sexisme. Ouais, il y a de tout pour faire un monde. Je savais même pas que Koe avait fait un album. Oh, bah. Et je sais pas si c'est moi ou si c'est mon petit frère, mais je me souviens qu'on écoutait cet album. Il a bon dos, le petit frère. C'est totalement toi. C'est totalement toi. Et il y avait sur la couve Koe et Clara Morgan. Parce que c'était bien sûr le cul. Bien sûr. Et il y avait mis des parodies de chansons. Mis des canulars téléphoniques. Oh, voilà. Et c'était la grande mode à l'époque des canulars. Le banger. Non, mais imagine, t'es en voiture. Du cavier, moitié caviar, moitié foie gras. Hein. C'est vraiment quel régal. Hein. Attends, vous donner de la tête. T'es en voiture, tu te dis voilà, je me ferais bien une chanson. Puis après, tu fais j'ai écouté assez, j'ai envie de rire. Petit canular. Allez, putain, ça devait être dosé en plus à la perfection. C'est rire et chanson. Oui, c'est ça. Mais c'était mixé par Rick Rubin à l'époque. Ah ouais, non, faut remettre ça un peu en contexte. Il y avait une interview après. Exactement. Ça me fait penser dans le style. Album un peu unique comme ça, c'est un fun fact que j'aime beaucoup. La petite fille de Mussolini, Alexandra Mussolini, a sorti dans les années 80 un album de City Pop qui est en fait de la musique japonaise qui reprend. Okay. Voilà. Et donc cet album existe et vous pouvez écouter la petite fille de Mussolini qui chante en italien, en anglais, en japonais. D'accord. Multitâche, la meuf. Impressionnant. Et puis très ouvert culturellement aux autres pays. Contrairement pas spécialement le cas de son père. Oui, donc bah bon, elle a choisi de garder son nom de famille quand même. Quoi. Donc bon, c'est qu'il y a quelque chose derrière, mais bon. Après, un des Daft Punk, genre son grand-père, c'était s'appelle genre Mussolini. Non, évidemment. Mais c'était le bras droit de Franco, un truc comme ça. Enfin, peut-être pas bras droit, mais genre c'était. Bras gauche. Ouais. Moi, je veux pas. Attends, je veux pas. Non, mais. C'est pas son bras droit, mais il y a un truc. Bah, voilà, tu sais quoi, grand-père... Je vais rebondir. Waouh! Je vais rebondir bah, sur pas Thomas Bangalter, mais celui qui a un nom. Guy Mann. Ouais, ouais. Bon, après, c'est. Bon. C'est. Waouh, wow, il a fait. Tu t'es non, mais il a fait d'autres trucs. Non, mais j'avais découvert ça, que en fait. Son... Donc, peut-être pas son grand-père, peut-être son arrière-grand-père, je sais pas. On vérifiera. Eh, on a tous des trucs. En revanche, j'ai un fun fact vérifié sur Daft Punk, et je vous refais une petite question comme ça. Ok. Savez-vous pourquoi il y a un ver, un animal, enfin un insecte, le ver a été rebaptisé le Baikalella Daft Punka? Parce qu'on a l'impression qu'il a parce un casque. Parce que quand tu marches dessus, il fait. Alors non, on a un peu l'impression, mais c'est pas vraiment la bonne réponse. Non, bah oui, c'est en fait tous les scientifiques font ça. Il y avait un coléoptère, ils l'avaient appelé le Bionceus machin parce qu'elle avait le bassin large. Ouais. Ah super. Ouais. Bah là c'est. Un beau fun fact. C'est pour dire qu'il aime bien faire ce genre de truc à la con. Juste, il écoutait Daft Punk et il a dit ouais. Non, parce qu'on dirait qu'il danse quand il se déplace. Non. Parce que ça fait de la lumière. Non. Parce qu'il se dédouble. Oh. Wow. Non. Non, c'est parce que le bout de la bite de ce verre ressemble à un casque des Daft Punk. Je viens de réaliser que les verres ont une bite. Déjà. Je viens de réaliser que les verres ont une bite. Les verres ont une bite. Comment? Et le Baikalella Daft Punka. C'est un ver plat dont la particularité est de détenir le bout de son pénis, une morphologie ressemblant fortement au casque du duo. J'imagine vraiment Bangalter et ça, je suis heureux. Il y a un animal qui porte votre nom. Chamé, c'est la bite d'un ver. Pardon. Excusez-moi. La bite d'un ver. Mais il y en a un qui a une bite de Koe d'ailleurs, je crois. Ouais. Une autre chenille. C'est un papillon, je crois. C'est le burger coetus. Incroyable. Je ne trouve pas. Le burger. Mais tu sais, mais moi je faisais la réflexion. Parce que j'ai l'impression que chaque décennie a connu ses interprètes de petits. Ah non, pardon. Pardon, juste. Non, non, vas-y, je te dirai après. Non, vas-y, peut-être finis sur la bite de Daft Punk. Non, non, non, non, sur Franco. C'est pas du tout Franco et tout, donc je voudrais rétablir. Ah, bah rétablis la vérité avant, qu'on fasse cancel par Tom oui. Bang. Oui, bah oui. C'est. Alors attendez. C'est l'arrière-petit-fils. Laisse-moi gérer les news, Adrien. Non, mais c'est l'arrière-petit-fils de Francisco Manuel Homem Cristo Filho. Coppola. Militaire et écrivain portugais proche du fascisme italien. Ah, bon, t'as pris un petit raccourci. T'as pris un petit raccourci. Oui, bah. Pas sûr qu'il soit fan de ce fun fact sur lui-même. Non, non, clairement pas. Mais voilà. Mais si vous mettez les chansons de Daft Punk à l'envers, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, je sais qu'ils écoutent, donc je veux pas non plus. Oui, deux grands fans, deux énormes fans. Non, mais c'est avant, il y avait le festival Robles, il y avait Fatal Bazooka. Ouais. Ah oui, le grand. En ce moment, il y a quoi? Bah, c'est fini, c'est ça, on peut plus rien chanter. C'est pas ça. Alors, sans manquer de respect à cette personne, mais dans le côté chanson humoristique, moi, Fatal Bazooka, par exemple, je trouve ça vraiment bien. Album incroyable. L'album, incroyable. T'as vu, je crois, ça s'appelait l'album. C'est vraiment un super album. Mais dans des chansons un peu marrantes, bah, dans le RPZ, il y avait Iltia. Voilà. Non, mais là, on parle d'un truc. Là, et ben, vraiment... bientôt, la Zizi Kaka Mixtape qui va sortir. C'est vrai. Il y a des chansons un peu marrantes dessus. On peut pas comparer mais Festival Robles. Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est quand même très premier degré. Alors... et qu'il y aura pas de place. J'ai l'impression qu'il y aura pas de place. Ouais, voilà. Il y aura pas de place à la rigolade. Je crois. Pistes, mais non, mais la parodie. Rappelle que Chrono Music est invité très bientôt au Floodcast. Ah, on sera à Frames. On sera à Frames où il sera également là. Et il est l'un de nos invités. D'ailleurs, si vous êtes à Frames, tu seras là. Magnifique. Ah bah génial. Et donc, si vous êtes à Frames, vous pourrez venir, c'est le dimanche, on reçoit Chrono Music. En plus de Patrick Beau. Trop hâte. Et Manon Bril. Et de Manon Bril. Je ravalais ma salive, pardon. Trop cool. Non, bah non, c'est juste dire qu'il y avait un vrai manque de chansons parodiques. Chansons rigolotes. Non, mais c'est la deuxième fois qu'on lui fait le coup. Non, mais c'est pas grave, mais ça. Il y en a plein sur YouTube, c'est juste que mais oui, mais pas voilà. Ça. Oui, mais. Non, mais Festival Robles, j'aimais pas forcément, mais c'est fou que c'était un pan incroyable, genre l'ensemble de la culture française, que tu vendais des millions d'albums. Ou de streams maintenant, mais maintenant il y a plus de gens qui font ça. Et, bah, et je pensais que des youtubeurs le feraient. Je pense que McFly et Carlito vont le faire, pour être honnête. De la parodie, c'est vrai que c'est plus trop. Non, de la parodie pure, c'est vrai. Mais des chansons. En fait, marrantes, on parodie plus un style que. Ouais, c'est ça. Mais cela dit, même dans les sketchs et l'humour, c'est quand il y a de la parodie, c'est généralement plutôt de la parodie d'un genre c'est ou ça, de code que de la parodie d'une œuvre en particulier, quoi. Ouais. Donc, oui, oui. Du coup, c'est aussi, je pense qu'il y a un truc d'époque où la parodie d'une œuvre en particulier, ça se fait moins. Enfin, je sais pas si c'est ça. Mais, oui, non, mais c'est ça. Mais typiquement, Fatal Bazooka, cela dit, il y avait Diem Sevita, mais sinon, c'était pas de la parodie voilà, tout était composé. À part Diem Sevita qui était vraiment pour le coup une parodie. C'est vrai. Non, mais la woke culture, la cancel culture encore, voilà, c'est tout. Voilà. Alors, un petit Dans ma caravane, moi, ça me manque en 2021. C'est quoi Dans ma caravane? C'est dans ma caravane. Attendez, pardon. Ah oui, c'est la Macarena, mais c'était Dans ma caravane. De Festival Robles. Bien sûr. Moi, j'avais Où est ma chemise grise avec Sim. Ouais, alors là, et Patrick Topalov. Bon là, ouais, bon, je suis largué. Là, t'étais pané, Orti vient de se barrer. pardon, excusez-moi. Voilà. Toujours un peu dans votre rapport à la musique, est-ce que comment vous étiez par rapport à ce qu'écoutaient vos parents? C'est une question que je me pose parce que en faisant moi-même une petite rétrospection quand j'ai préparé un petit peu cette émission, je me disais c'est marrant, moi je me suis mis vraiment anti ce qu'écoutent mes parents et plus je vieillis, plus j'écoute bizarrement des trucs et même après coup moi j'écoutais beaucoup de métal, donc du coup quand j'étais adolescent et toujours un petit peu d'ailleurs, et en vrai c'est quasiment que des artistes qui étaient, moi parce qu'on fait la blague avec Adrien que mon père est un Rastaman ouais. Mais pas du tout, et effectivement il a été bassiste quelques années non non, mais il écoute, lui c'était plus New Wave, c'est à dire qu'il était fan de Depeche Mode et de The Cure. Ah oui, okay. Et moi ça me saoulait de ouf quand j'étais jeune, mais j'écoutais Marilyn Manson, Korn, qui sont en fait des gens, c'est et c'est uniquement ça. C'est ça, oui. Et non, mais qui sont des gens qui en fait se sont, qui eux étaient fans aussi de Depeche Mode, ils se sont réclamés de, et se sont réclamés, ils ont fait des feats avec eux, etc., etc. Ouais. Donc voilà, ça m'a un peu amusé. Et maintenant aujourd'hui, j'écoute de ouf Depeche Mode, Cure, et même je suis pire que mes parents parce que maintenant moi j'écoute Souchon, Violet. C'est ça. J'ai vraiment ouvert grand, ouvert très très grand tout ça. Comment vous étiez-vous par rapport au goût de vos parents? Non mais moi, comme j'ai dit, moi déjà j'avais des trucs un peu, bah on va dire, qui se rapproche de ce que j'écoute toujours comme avec Réservoir Rock, donc j'ai toujours un peu ce background là, donc moi j'ai embrassé ça. Après c'est vrai que dès le départ quand ta mère te met du Nina Hagen dans les oreilles, ça peut être impressionnant. On se rappelle que c'est un peu une icône punk. Ta mère écoutait Nina Hagen, ouais, hurle dans les oreilles, donc ça peut être un traumatisant. Après j'avais Patti Smith et tout ça, ouais. Il y avait une légende qui disait qu'elle se mettait un micro dans le vagin. Exactement, oui, c'était ça. C'était Nina Hagen. J'ai vraiment cru que t'allais dire dans l'urètre. on y retourne. Bah après, non, comme je te le dis, on est très woke ici. C'est les gars, dans la chatte il y a un urètre aussi, donc peut-être, on sait pas. Oui, c'est vrai. Mais là, t'as peut-être un micro casque, un truc. Un micro quand même. Alors, j'ai une anecdote, mais on va pas la dire. Mais on peut faire bien plus qu'un micro jack dans l'anecdote, à savoir ton expérience personnelle. Non. Alors, je ne dispose pas de vagin. Et allez, le breton. Voilà le prochain mini-jeu pour laser. Il se trouvait dans la chatte. Allez. Non, bref. Mais non, mais moi, j'ai jamais été en rébellion, tout ça. Au contraire, ça a été un truc où je retrouvais mes parents. Enfin, moi, je sais qu'après le divorce, j'ai du mal à m'en remettre. Non, mais tu vois, j'allais au Fury Fest ou Hellfest avec mon père et tout ça. C'est lui qui téléchargeait les premiers trucs d'Oubastang, de Korn. On rappelle que ton père était un skater. Et on rappelle qu'il est un ancien champion de skate, effectivement. Non, c'est pas une vanne. De saut en hauteur et en slalom. Ton père, c'est Tony Hawk. T'as peut-être joué un jeu qui s'appelle Tony Hawk Underground. C'est mon père. Exactement. Incroyable. Il s'appelle Antoine Faucon. Saute-toi, nous. Non, au final, j'ai jamais été en rébellion ou quoi que ce soit, et justement je me suis nourri à fond de ça et je suis très chanceux pour ça. Tu étais en accord avec ton père sur de la musique de Rebelle. Et ma mère aussi. Et ta mère aussi, voilà. C'est incroyable. De Étienne Dao à Nina Hagen, je bouffe tout en fait finalement. Oh là là. Et maintenant je fais des petites playlists à ma mère et voilà. Oh, je renvoie l'ascenseur. C'est trop cool. Moi j'ai jamais été en rébellion non plus. Eux ils écoutaient, enfin ils écoutent toujours, ils sont toujours là, ils sont toujours vivants. Je touche du bois quand même. Ouais. Non, ils écoutent beaucoup de variétés françaises. D'accord. Et du coup, c'est en fait mes deux parents sont des artistes. D'accord. Et du coup, ils ont toujours eu à chaque fois ce truc de quand on écoute un truc, ils m'expliquaient pourquoi c'était bien, tu vois. Enfin, pourquoi ça leur plaisait. Ils parlaient du texte, c'est vraiment des bobos. littéralement, vraiment. Hein, ils se revendiquent eux-mêmes bobos. Ils sont très fiers de ça. Et du coup, j'ai grandi avec Julien Clerc. Patti Smith en vrai beaucoup aussi. Bah oui. Je dis variété française, mais pas que du coup. Mais non, ça m'a plutôt ouvert à d'autres styles. Et après, du coup, moi maintenant, c'est régulièrement, je leur fais écouter des musiques en leur donnant tout le background aussi derrière et du coup c'est cool. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc là l'adolescence où il y a un groupe ou un artiste que t'aimes bien et tu digues un peu les influences de tel artiste. Ouais. Moi je sais que je suis venu au hip hop français et international par le moi. Bah déjà avec Adrien, bien sûr, oui. Qui est, je le rappelle, je sais pas si vous avez vu le film 8 Mile, qui est à la base un bouquin d'Adrien. C'est ça. J'ai rien du tout. Et son histoire à Saint-Germain-en-Laye. Des battles, il a croisé Nekfeu a dit je veux être cet homme, et voilà. Il m'a tout pris. Et voilà. Bon. Les battles dans les trucs nazis là, les bombes. C'est ça, dans les blocos. Les blocos. Moi je suis les émissions. Ouais. Hein, ah, non, mais exactement. Et où est-ce que je voulais en venir? Bah, Adrien, est-ce que peut-être la musique, toi, non, tu t'es nourri? Voilà, je voulais dire, il y a ce cheminement de découvrir d'autres choses. Est-ce que c'est aussi des choses que vous avez fait, vous, de votre côté? J'ai l'impression que vous êtes assez éclectique. Non, Adrien, alors, non, parce qu'il a pas répondu. Mais je vais revenir à lui! Putain, mais. Non, mais il me regarde avec ses petits yeux! Non, mais pas du tout! Non, je te regarde parce que t'as essayé de dire. Non! Réponds, et Flo a dit, non, mais attends! Et vraiment, j'ai passé à autre chose! Non, mais! C'est trop lourd. Mais non, pardon. Excuse-moi. Allez, non, mais c'est pas grave. Non, mais. On a carjacké cette émission. Mais non, vas-y, non, mais tu vas y revenir. Sur les frères Croûte, déjà. Oui, qui était fait exprès, d'ailleurs. Oui, je le rappelle, un gag au troisième degré. Oui, je rappelle. C'est de l'absurde. Non, okay, c'était très drôle. C'est... pas de soucis. Est-ce que vous avez fait ce cheminement, vous, de votre côté? Est-ce que vous diguiez des trucs? Il y a aussi. Diguiez super, déjà. Là, le fameux qu'on embrasse. Digue-Gustin. Parce qu'on a eu aussi notre génération, mais toi aussi d'ailleurs, Hortense, j'imagine, sur l'arrivée d'Internet. Non, mais toi aussi, Adrien. Non, j'ai rien fait, j'étais en train de chercher un jeu de mots avec Didier. rien à voir, j'écoutais même pas ce que tu disais. Ce qui est la moitié des émissions, c'est t'écoutes pas, tu cherches des jeux de mots. Pas que. Je fais les deux en même temps. La digue du cul. Non, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que l'arrivée d'internet et tout la vous a aidé du cul. Bon, allez, non mais c'est bon pour moi. Oh, ouais, oh, tu m'as oublié, j'ai le droit de te couper la parole. Oui, l'arrivée d'internet a un impact sur votre recherche musicale. Mais moi je me demande comment je faisais parce que. Et ensuite Adrien nous dira les albums qu'il a ses parents écoutés. Est-ce qu'il s'est mis dans l'urètre il y a quelque temps. Didier Drogba, le footballeur. Non mais des fois c'est Didier là où l'accès était plus compliqué. C'est là où je me dis, finalement, dans la vie, plus il y a contraintes, plus bah, t'es obligé de feinter des choses. Mais c'est vrai qu'il y avait Shazam, le téléchargement. Ouais. C'était n'importe attends, quoi. Attends, juste deux secondes. Vas-y, fais-le, ton jeu de mots. T'en as un là. Non. Non. Pas du tout. Ah, je sais pas. Moi, j'avais dit Guy Bourdon. Ok, d'accord. C'était pas Shazam d'ailleurs, Shiraza, pardon. Oui, c'est ça, Shazam c'était après. Oui. Non, non, mais je veux dire, pour découvrir des choses, c'est. Shiraza. Shiraza, ouais. Kaza, Idonki. LimeWire. LimeWire, voilà. Soulseek. Un dernier peut-être. Soulseek. Napster. Non, mais. Des fois, se trompait d'ailleurs, ça c'est rigolo. Moi j'étais fan de Limp Bizkit par exemple, et il mettait, dès qu'il y avait un blanc qui rappait sur des guitares électriques, il mettait c'est Limp Bizkit. Voilà, non, mais bien sûr, puis t'avais des rip-offs. Tu trouvais des trucs. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, c'est des heureux hasards des fois. Ouais. C'était trop bien, et que même aussi ça te permettait d'être curieux un peu, d'aller même chercher dans des magazines ou quoi que ce soit. Ouais. Et il y en avait beaucoup d'ailleurs à l'époque aussi. Ah oui, mais de ouf, et là je me rends compte que je découvrais plus à l'époque que maintenant. Après, je me repose bien évidemment sur les trucs Spotify et les trucs comme ça, mais. Les algos. Mais moi je me. Mais Annie Digui Raoult. Annie Hidalgo, voilà, ça cache Paris. Digui Raoult. Ouais. Bien sûr, c'est ça que t'avais tout à l'heure. Ouais. Et l'autre impact aussi, c'est MySpace pour moi qui m'a changé tout mon plan. Ouais, ouais, de ouf. Ah putain, parce que souvent, je sais pas si vous vous souvenez ça, mais sur MySpace, en fait, tu pouvais mettre des chansons d'intro, enfin sur ta page. Bien sûr. Et je sais que par exemple, il y avait Jean-Charles de Castelbajac qui était un peu connu pour chaque semaine mettre un groupe émergent. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes meilleurs amis d'ailleurs. Des petits dessins aussi, il faisait. Des petits dessins et sortir avec une Miss France. Enfin, il fait plein de choses. Il est un artiste. J'ai défilé pour lui aussi. Voilà, toutes les facts. Oh, le mannequin. Ça va le mannequin ? Ouais, non, non, je suis trop petit pour être mannequin. Bon, bref. Et bon, j'ai des dents horribles. Non, non, mais. Didier Deschamps. Non, mais il a dit Didier Deschamps, t'as dit j'ai des dents horribles, c'est drôle. Ouais. Non, il a des belles dents, contrairement à moi maintenant. Oh. Arrête. Ouais. Non, mais MySpace, c'était fou. Bon, bref, MySpace, c'était fou. Et Internet m'a aidé de ouf. Et je remercie Internet, tout simplement. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu mal foutu, Spotify et tout, sur les. Bah, on propose assez peu de choses. Non, c'est un super site. Hein. Ouais, c'est vraiment mais, top. Mais j'ai, ouais, je découvre peu de choses via Spotify quand même. Ah bon ? Ah ouais, si vous. Même vous... les pour toi et tout ça ? Bah ouais, souvent. Mais est-ce que tu fais un peu la démarche de... Parce que alors, des fois, il suffit de prendre genre un artiste ou un morceau que t'aimes bien, de mettre la radio du truc. Et ah, après, la radio, t'as plein c'est de... vrai que je le fais pas. La radio, ça, c'est parce vrai que ça, pour découvrir des morceaux, c'est pas mal. Ah, ça, okay. C'est incroyable. Parce que sinon, le truc, il va pas venir te prendre par la main et te mettre un morceau sous le nez alors bah, que t'as rien demandé. C'est ce que j'attends, c'est ce que je veux. Non, mais c'est vrai que dans le. Je paye, monsieur. Non, mais en plus, si. Il y a dans la, sur la page d'accueil. Oui. T'as une liste de Didier là. Quel connard. Il regarde son écran, putain. Non, mais il y a les mix, les daily mix, machin, exactement. Où ils te mettent des morceaux qui sont censés. Alors, souvent, c'est des morceaux que t'as déjà écoutés. Bah, moi, c'est pas ça, fait chier. Souvent, c'est ça, mais des fois, il y a des trucs. Après, il y a les Willy Mix. C'est Willy Rovelli qui te conseille des chansons. Quoi. Petite ref à Fort Boyard, pardon. Ah, il s'appelle Willy Mix, le nom. Mais il fait le Willy Mix. Ah, putain. Pardon. Et toi, Horty, l'internet. Je n'utilise pas Spotify. Ah, wow. J'ai pas les références de ce que tu es Apple Music. Tu es quoi? Moi, je déteste la musique, en fait. Ouais. D'accord. Okay. C'est pour ça que je suis allé tout de suite les yeux fermés. Et tu te forces pour Pierre. Non, parce que, voilà. En vrai, en fait, ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse grandement, c'est les clips aussi. Et du coup, il y a beaucoup d'artistes que je découvre comme ça, pour le coup. Et sinon, j'utilise Deezer, moi. Ah, tu es Deezer. Cocorico, on le rappelle. Mais pourquoi? Non, j'ai fait. Moi, je dis parce que c'est français. Et après, on me dit, tu votes Front National? Les gens vont vite sur le sujet, il faut dire. Ils sont assez agressifs. J'ai bon, été et sur Deezer. Les gens, c'est Pierre. On peut dire. Pierre, on peut pas le dire. J'ai longtemps été sur Deezer aussi. Et là, je suis passé à Spotify parce qu'il y avait 3-4 albums que j'aime bien qui n'étaient pas sur Deezer. Ah, et ouais. Du coup, j'ai je suis passé à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, pardon. Moi, j'ai. Est-ce que et vous... moi, du coup. Non, non, c'est pas grave. Moi, mon père écoutait des trucs. Oh non. Et alors, Adrien. Attends, quoi? Ouais. J'ai une question pour toi. Oh waouh. Spécialement. Vous écoutiez de la musique à la maison? C'est pas exactement le même, hein. Non, alors, moi, mon père. Alors, j'ai pas trop accroché à ce qu'écoutait ma mère. Ma mère écoutait beaucoup de musique classique, ce qui a jamais accroché. Enfin, j'ai jamais trop écouté. Et elle écoutait pas mal de musique genre cubaine et tout. qui est l'appropriation culturelle pour moi. Non mais non, ça a jamais été mon truc. En revanche, mon père, il écoutait des trucs du, enfin, il écoutait Renaud, il écoutait Brassens, ouais. Il écoutait Brel. Et son groupe préféré, c'était Creedence Clearwater Revival, qui, bon, en fait, c'est pas vraiment des, comment dire, c'est pas vraiment des trucs que j'écoute maintenant tellement. Même si j'ai écouté Renaud beaucoup et tous les Brassens à une époque. Mais il y a plus un truc de... c'est pas vraiment les trucs mainstream, en tout cas à l'époque, tu vois. Ouais. Que les, moi, parfois, je parle avec des gens qui disent... ah ouais, mon père, il écoutait... Bon, j'ai pas d'exemple, mais tu vois, il écoute vraiment Johnny les trucs... Ou... Ouais, des trucs hyper mainstream. Et il y avait un peu un côté genre... tu vois, Creedence Clearwater Revival, ouais, c'est pas le truc hyper mainstream. Ouais. C'est pas les Rolling Stones, disons. Et donc, je pense que ça m'a plus peut-être influencé sur le côté va chercher au-delà de ce qui t'est proposé, essaie d'aller voir, aller chercher quelque chose qui t'est personnel plus que... Je pense que ça m'a influencé dans la démarche plus que dans vraiment les artistes à écouter, quoi. Ouais. Moi, je me suis rendu compte récemment mais que, j'avais, que mes parents achetaient beaucoup des discographies, mais ils n'avaient pas non plus une... il n'y avait pas un seul CD... Enfin, ils avaient pas une... ils voulaient pas spécialement les classiques, quoi. Mmh. Genre, même s'ils écoutaient beaucoup de rock, il y avait tout le temps RTL2 dans la voiture, etc. Mais il n'y avait pas un album de Queen, pas un album... Bon, déjà, ils étaient tout le temps sur RTL2, donc peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'acheter un album de Queen. Oui. Mais il n'y avait pas un album de Queen, pas un album des Rolling Stones, pas un album des Beatles. J'ai jamais écouté des Beatles à la maison. Par contre, il y avait toute la discographie de U2, toute la discographie de The Cure. Non, mais c'était... En fait, non, je déteste c'était, YouTube, les, mais c'est c'était les groupes mainstream. Pour eux, pour le coup, typiquement le mainstream de leur génération, en fait. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'il y avait plein de groupes qui ont fait peut-être que un CD un peu bien à l'époque où ils étaient jeunes, eux, et du coup, quand tu les écoutais, d'un coup, et moi j'ai découvert In Excess par exemple, qui est pas si connu que ça, j'ai l'impression, et mais qui est très connu par rapport aux Beatles. Après, par rapport aux Beatles, Et quand t'es né en 91, enfin, tu vois, c'est ça passe pas à la radio spécialement, tu vois, tout ça. Et moi j'ai kiffé découvrir comme ça. Donc, ces tu veux dire que toi t'as écouté Toutou U2? Toutou U2, voilà. Tout à fait. Allez, salut. Allez, c'était Pierre Lapin ici ce soir. Si vous aimez les blagues comme ça, Laserdisc sur Twitch. Mais non, mais il se plaignait qu'il n'y avait plus Robles. Mais regarde, ah voilà, je reprends le flambeau, mais... Hey, fin à la fin de chaque Laserdisc, vous faites une petite parodie musicale, Pierre. J'en rêve. Chanté par Pierre. Balance ton quoi directement, bien sûr. Je vais changer quoi par quelque chose et ça va être génial. Non, l'inverse. Balance ton quack et il y a un canard. J'ai vraiment un rire nul. Arrête de te rabaisser. Non, enfin. J'ai une question. Oui. J'ai une question. Adrien, comment ça? Ton premier souvenir de concert? Oh. Alors là. Est-ce que t'es concert, toi? Non, je déteste les concerts. C'est ça, enfin, t'es je pas déteste très concert. Pas, mais j'aime pas les concerts. Non, j'aime pas. Enfin, tout ce qui est déjà regroupement, c'est vraiment pas trop mon déjà truc. Là, on est un peu. Ouais. Là, c'est la limite. on est dans ma zone de confort encore là. Non, mais mon premier souvenir d'un concert, c'est. Un des plus. Ah, vieux. Mais si, putain, mais horrible. Putain, décidément. La gaffe. Non. Non, alors, en fait, c'est. Moi, j'ai un souvenir, mais. J'étais quand même pas si jeune, mais j'étais pas très dégourdi. Et en gros, le téléphone sonne à la maison, ma mère décroche, et c'est une amie à elle qui lui dit « Ah, j'emmène mon fils voir Dorothée. » Tu vois qui c'est, Dorothée ou... Oui, oui, on n'avait pas le droit de la regarder. D'accord, oui, ok. Bah, c'est... Ah, le club. Parce qu'il y avait des trucs japonais? Non, parce que je crois que ma mère aime juste pas Dorothée. Ok, d'accord. Encore mieux. Je trouvais ça abrutissant. Ah oui, bah. Okay. Mais mon père est fan de Téléchat, donc je suis. Oui, mais oui, mais parce que c'est un peu chelou. Oui, c'est ça, c'est Roland Topor. Il y a une poésie derrière. Bien sûr, exactement. Et du coup, c'est cette amie de ma mère qui avait un fils qui était quand même plus jeune que moi. Moi, j'avais peut-être 11-12 ans, quoi. Ouais. Et elle lui dit non, j'avais pas 11-12 ans, j'étais quand même, j'avais 10 ans. On va dire. Franchement, personne t'aurait. Franchement, on s'en bat les couilles. non, juste, moi, ça m'intéresse. Juste, j'étais fait. Trop grand pour aimer Dorothée. Ouais, tu vois. Et de toute façon, j'avais jamais aimé Dorothée, jamais. Enfin, j'ai jamais écouté et Dorothée de ma vie. Les chansons de Dorothée étaient. Non, mais de la chiasse. Ouais, vraiment, j'ai. Non, mais après, avec tout le respect qu'on a pour elle, bien sûr, hein, c'est quand même. Je l'ai lu. Non, mais et elle dit ouais, est-ce que tu veux j'emmène mon fils voir Dorothée. Est-ce que tu veux que j'emmène Adrien aussi? Et ma mère me demande, et moi, enfant empoté, j'ai pas osé dire non. Alors, je sais pas, pour pas vexer ou j'en sais rien, j'ai dit. Pour pas vexer Dorothée. Ouais. Et j'ai dit ouais. Et bam, terminé. Je suis allé voir Dorothée en concert. C'est mon premier concert, c'était Dorothée. et j'ai pas aimé. Enfin, j'aimais pas du tout Dorothée. Ouais, du coup, je me suis fait chier. Surtout un concert de Dorothée, ça doit être une ambiance un peu spéciale. À 11 ans, c'est pas tout le monde de trois têtes. Au moins, tu vois la scène. Oui, voilà, c'est ça. Parce que moi, je ne vois jamais la scène en concert. Hein, quand Ah oui, bah non. Ah, il faut slammer, c'est pour ça. Ça m'est arrivé. Et là, tu vois la scène. Quel est ton un de tes plus vieux souvenirs de concert? J'ai ma mère qui m'a raconté mon premier concert il y a pas longtemps. Et c'est pas mon premier souvenir. Oui, tu t'en souviens pas, t'étais petite. J'avais à peu près 8 ans. C'était un concert de David Hallyday. Waouh! Wow. Voilà. Mais il t'a laissé le temps, sûrement. De te dire. Tout à fait. Donc, ça, c'est mon premier concert. J'étais assise à côté de Polanski, de Roman Polanski, qui était venu avec sa fille. Sympa! Voilà. Ce que ma mère m'a raconté. Comme quoi, je me disais, qu'est-ce qui pourrait être pire que d'aller voir David Hallyday? Moi, j'aimais bien à David côté Hallyday. De Polanski. C'est pour ça qu'elle m'est emmenée. C'est parce qu'en fait, c'était après la sortie de La Planète au Trésor, dont il a fait la BO. Ah, bien sûr. Et il doublait le héros, bien sûr. Et du coup, j'étais très, très fan de David Hallyday à ce moment-là. Oui, il est très beau aussi. Ma mère m'a offert ce truc-là. Donc, ça, c'est mon premier concert. Et mon premier souvenir de concert, c'était Yann Tiersen, qui est également la première chute de tension que j'ai faite. Ah. Et t'étais à côté de Guy Georges, faut dire. Émile Louis qui m'a rattrapé. Non, et du coup, ouais, j'ai juste un instant de. Mais pourquoi ils éteignent les lumières? C'est complètement con. Et après, je me souviens plus du reste. Ah merde! Ah, oui, ah ouais! Oui, oui. Bah, chute de tension, ouais. Bah, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Terrible. Et après, j'ai refait plein de. Tiersen, tu m'as dit à quel âge, non? J'avais. Je sais pas, je devais avoir 11-12 ans. Ouais. Ouais. Et faut avoir un gros moral, mais c'est bien. Et ton meilleur souvenir? Enfin, un des plus marquants, peut-être? Wow. Si tu veux, je peux passer à Pierre sur le premier. Comme en ça, t'as vrai, le temps d'y penser. Je crois que je vais me détester de dire ça, mais je pense que c'est 32nd to Mars aux Vieilles Charrues. Ouais. Parce que j'ai une haine profonde envers Jared Leto. D'accord. Mais il faut avouer qu'il est très bon sur scène quand même. D'accord, ok. Et du coup, ouais, je pense que c'était ça, parce qu'il y avait une espèce de cohésion. Ouais, d'alchimie avec le truc. Tous les spectateurs. Est-ce qu'il faisait des thématiques aussi? C'était ces années-là où il fallait faire. Il y avait une date rouge, une date blanche ou... Je me demande. Non, ouais. Je crois pas, j'ai pas souvenir. Bon, déjà, il y a des thématiques horribles aux Vieilles Charrues de base, donc je sais pas s'ils ont apporté ça. C'est ouais. Toi, Pierrot, ton nom Non, mais après, moi je sais plus si c'est Renault. Ah, tiens. Ou Indochine. Mais après, moi, c'est Indochine. Ah bah, putain, j'assemble les deux en fait, quelque part, t'écoutais Renault. Non, mais après, le premier truc où j'ai vraiment un peu choisi, c'était un peu flou de casse comme concert, c'était Slipknot. Ah, bien sûr. Slipknot. Petite actu sur Slipknot. Une moitié du flou de casse. Ouais. Non, non, tu vas voir pourquoi je parle de flou de casse. Le côté slip. Ah, ils ont jeté de la pisse. Voilà, c'est ça. C'est tout. C'est juste que je me suis reçu des bouteilles de pisse. Bien sûr. Ah oui, t'étais dans ton fauteuil roulant et tu t'es pris des bouteilles. Top. Ouais, ouais. Top souvenir. On l'avait raconté. On l'avait raconté. Non, mais en vrai, c'est très intense. Très intense et ça marque quoi. Ouais, la pisse, ouais. La pisse, ouais, ouais. C'est pas pour les fringues, mais. Et ouais, lapin mort et tout ça. Complètement. Mais non, ça c'était intense. Et puis c'est là où j'ai eu un véritable coup de foudre, j'ai l'impression, sur les festoches, quoi. Bien sûr. Bah, ouais. Tout le temps. Et du coup, bah, je suis allé tout le temps au Hellfest, c'est vrai. Cette belle et grande famille, quoi. Ouais. Mais je crois que c'est Slipknot et ça m'a marqué à vie. Et tu vois, même à 33 ans, enfin Slipknot, je suis toujours heureux de les revoir. Ouais, et bah, vas... et y a des trucs et des madeleines comme ça. Plutôt bon. Bah là, je les ai revus. Il y a eu un petit coup de mou. Ouais. Et là, je les ai revus récemment avec le. Bon, jouer Jordison, on t'embrasse, mais il y a le nouveau bien batteur sûr. Qui était très cool. Et il faut savoir que le batteur était un ancien fan de Slipknot. Oh, la belle histoire! Oh, joli. Qu'on retrouve dans le fameux mème où on voit le chanteur de Slipknot et un petit garçon désemparé. C'est lui? C'est le batteur. Tu m'en groupes? Si, comme si. Quoi, soyez un mème. Ça soyez un mème. Soyez un mème et tu peux te faire 10 000 balles. On dirait, tu sais, l'histoire en mode oui, machin est sorti. D'un magasin, il a donné de l'argent à SDF et maintenant c'est Dylan. SDF. Ouais, c'est, bien sûr. Voilà. C'est exactement ça. C'est fou. C'était Albert Einstein. Exactement. Un même encore une fois. Oui. Mais ouais, non, mais il y a des madeleines comme ça et puis après, ouais, des beaux souvenirs. Après, j'ai beaucoup de choses dans la culture un peu hardcore où souvent, ce que je dis, c'est que le spectacle il se fait aussi sur scène, mais souvent dans la salle aussi. Ouais. Une phrase toute faite. Oh. Non, mais si. J'ai détesté, moi, ouais, non, mais c'est bien. C'est pour ça que j'ai dit horrible. J'ai plutôt bien aimé. Mais c'est réel, tu vois, c'est comme quand tu vas au Japon. J'ai pas d'avis. C'est bien, on a un beau panel d'émotions. Prendre tous les auditeurs. Non, mais effectivement, quand tu vas au Japon, t'es obligé de dire entre modernité et tradition parce que c'est le meilleur mot, tu vois. Je suis d'accord. Mais le hardcore, effectivement, t'as des moves que beaucoup d'autres styles musicaux ont emprunté, et c'est assez cool. Les bouteilles de pisse notamment. Et les bouteilles de pisse. Le dernier concert de Vianney, il y en a eu quelques. Énorme slam d'ailleurs au dernier concert de Vianney. Une bouteille de pisse. Une bouteille de pisse. Mais lancé par Vianney, quand même. Donc, ça, un peu surprenant. Sur une personne en fauteuil roulant. Il bénisse. Était-ce sa pisse à lui? De quoi? Je dis, était-ce sa pisse à lui? Bah, restez pour le savoir. On espère, bien sûr. J'adore le hardcore et le métal, frérot. Très bien. Et après, on peut le dire. Non, mais c'est vrai, on est frérot. Après, bien. Ah ouais, non, mais. Tu es aussi photographe de concert. Bah oui. Bah oui. Je le suis. Ah oui, oh, et imitateur aussi. Eh oui. Est-ce que tu as un souvenir de travail, enfin de photos, de trucs qui t'a amené une anecdote? Est-ce qu'il y avait des choses et tout? Un concert qui t'a marqué en non, mais après, il y a forcément des émotions que tu vas avoir quand tu vas voir Chino Moreno de Deftones devant toi et tu dis, bah ça y est, je le shoot, tu vois, c'est de toutes ces idoles-là d'adolescentes. Donc ça te crée des émotions. Après, tu rencontres des gens atroces aussi. Des noms peut-être. Ouais, on va les citer tous. À part... Non, c'est bon. Ok. C'est... Ouais. Ok. On voit déjà les bips arriver. Après, ils sont internationaux. Allez, stop. Non. Est-ce que j'ai des souvenirs marquants? Aucun. Visiblement. Bah après, si tu vois, en vrai, des fois, c'est venu très vite le taf, donc je suis souvent concentré et tout. Non, aussi, il y avait les anecdotes de gens qui. Alors j'ai pas l'habitude de ça étant un homme et des trucs comme ça, mais qui vont te... Il dit ça en me regardant droit dans les yeux. Non mais je parle par rapport... Vas-y parle, je t'écoute. Le vas-y. Woman's planning finalement, tu vois. Non, mais... Il l'a dit. Non mais tu vois, il y a vraiment des gens qui te voient galérer un peu. Enfin galérer, je suis au milieu du public, j'essaie de faire chier le moins de personnes possible. Bien sûr. Et des gens qui vont dire, ah, peut-être que tu devrais faire ça, tu vois. Ah, génial. Alors que ça fait juste 10 ans. Après, c'est vrai que physiquement, j'ai l'air d'être un petit jeune. Ah. Et j'ai souffert de ça. Et surtout quand je faisais un peu les photos de mode et trucs comme ça. Ouais. Et les gens qui vont te conseiller, genre, bah, la fameuse phrase culte, genre, tu veux pas augmenter tes ISO, tu vois. On me dit comme ça. Et il y a vraiment un mot. Phrase de Martin Luther King. Ouais, bien sûr. Je le rappelle. L'épitaphe d'Einstein également. Ouais, bien sûr. Qu'on retrouve sur le site even.com. c'est une coluche phrase, hein, ouais, c'est une coluche phrase. C'est un mème. Non, mais jusqu'au jour où j'ai dit, bah écoute, prends mon appareil et fais la photo, quoi. Oh, et il l'a volé, ah, malheureusement, l'appareil. Et non, mais du coup. Est-ce qu'elle était bien, cette photo? La personne a fait la photo, elle était horrible. Robert Doisneau. Et la personne. C'était Robert Doisneau. Et est devenu Robert Doisneau. Et non, elle était à chier. Et... J'ai compris, c'était Lynn Renault. C'est possible, car je rappelle que Lynn Renault a 320 ans. Voilà. Personne n'a donné un conseil à Pierre et cette personne, c'était Lynn Renault. Non, mais voilà, j'ai posté sur Twitter et je l'ai cyberharcelé, bien évidemment. Ah, bien sûr, merci Pierre. Yes. J'ai des questions du coup d'auditeurs un petit peu plus précises. Mais tu vas voir, on en est encore un peu dans le monde de la musique. Oh, Orti, tu disais que tu étais intéressé par les clips et quelqu'un qui te suit sur Twitch disait qu'apparemment qui a appris que tu voulais être réalisatrice de clips musicaux. Alors, est-ce vrai? C'était une envie, ouais. C'était que une j'avais. Envie. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Maintenant, non seulement j'ai envie de réaliser des clips, mais en plus j'ai envie de faire de la musique aussi. Donc, d'accord. Donc j'ai envie de réaliser mes propres clips. Génial. En fait. Mais bon, ça, on verra peut-être en 2023. Et tu t'intéresses toujours autant aux clips musicaux? Oui. Et Là, hier, par exemple, j'ai fait que ça. Tu vois. Genre, jusqu'à 20h du soir, j'étais juste à regarder des clips et après, je suis restée sur Pinterest pendant 4h. Trop bien. Mais je me pose la question parce que moi, c'est vrai que j'en consommais beaucoup quand j'avais Canal Satellite. Ouais. Tu vois. Et j'ai un peu perdu le réflexe parce que moi, je regarde pas trop de clips sur YouTube vu que j'ai que l'audio. Est-ce qu'il y a des trucs en ce moment? Est-ce qu'il y a une évolution, une mode, une tangente? Est-ce que ça va vers il y a toujours des modes. Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans les clips, c'est mon avis, mais je pense que c'est là où, en tant que réalisateur, tu peux tester le maximum de choses parce que t'as pas à les inclure dans un récit. Ouais. Et du coup, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que, bah, mine de rien, ça coïncide toujours avec la musique, avec ce qui se passe. Et du coup, forcément, ça devient tout de suite... très plaisant, enfin, tu vois, il y a ce truc là de c'est satisfaisant en fait, ouais, bien sûr. À regarder. Et au-delà de ça, il y a toujours une identité très forte dans chaque clip, même si c'est des codes qui sont repris selon les genres, etc. Les travails de direction artistique aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et il y en a beaucoup sur ta chaîne d'ailleurs, même, on peut le dire. Oui. Non, peut-être que je suis restée sur Pinterest 4 heures parce que j'ai envie justement de changer et d'en faire une autre. Okay. Mais oui, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et, Et c'est, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur mes parents qui me faisaient écouter des musiques et qui me racontaient derrière ce qu'il y avait et tout. En fait, j'ai toujours ce cheminement de ok, l'œuvre musicale elle est là, mais il y a des trucs autour. Ça marche aussi avec les films, etc. Hein, c'est le principe des making-of et tout. Mais ouais, je crois que je suis même plus intéressée par ce qu'il y a autour des œuvres en elles-mêmes. Et du coup, pour moi, les clips, ça entre là-dedans, ça sert l'œuvre musicale en elle-même. Et du coup, ouais, est-ce que tu me demandais s'il y avait une évolution des trucs et tout Oui, il y a toujours des modes. Là, ce qui est revenu il y a quelques années, c'est les années 90, qu'on a vu partout, les néons, les machins. Pour moi, et pour Chrono, je pense qu'il va vous en parler aussi, mais pour moi, le futur, là, c'est les années 2000 qui reviennent en masse. Tout ce qui est un peu cheapos, c'est des trucs qui reviennent vraiment beaucoup dans les clips. Le BlackBerry qui revient lourd. Ah bah, bien sûr. Ouais, tout doucement. Bah ouais. Non, mais téléphone à clapet. Bien sûr, bah alors. Les fameux. Un bel investissement. Un bel investissement, tout à fait, oui. Mais c'est marrant parce que moi, je connais quelques artistes. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'argent pour faire des clips aujourd'hui, qu'il faut vraiment trouver des idées justement pas très chères, parce que même quand tu regardes des gros clips français, il y a du placement de produits à balles, quoi. Enfin, tu vois, non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a. Après, il y a eu le Covid aussi, là, qui a pas trop aidé. Ouais. Non, mais en tout cas, j'ai l'impression, en parlant avec certains artistes musicaux, ils disaient qu'il y avait vraiment. Que même les labels payent plus beaucoup de clips et que maintenant, limite, c'est les artistes qui, de leur poche, disent bon, bah vas-y, on fait ça. Et c'est pour ça qu'il y a du placement de produits un peu partout. Ouais. C'est qu'en gros, il faut financer le clip d'une manière ou d'une autre, quoi. Oui, clairement, il y a ce truc, cette lacune-là. Mais après, je t'avoue que moi, je regarde beaucoup de clips qui sont internationaux. J'imagine. Du coup. Et effectivement, enfin, on est, en France, on est à la ramasse là-dessus, quoi. Ouais. Vraiment, alors que c'est un exercice qui est hyper intéressant. Et en fait, le problème, je pense surtout, c'est que une fois que c'est publié sur YouTube, bah c'est plus les gens regardent plus la télé, donc même si ça passe sur MTV ou des chaînes comme ça, puis on fait ça pour regarder les dédicaces en bas, surtout. Oui, bien sûr. Les dédicaces très important, ouais. Bien sûr. Non, mais en France, il y a un réalisateur qui s'appelle Jérémy Levipon, qui a fait un clip de Gims. C'est lui qui a fait aussi le documentaire Presque Trop de Big Flo et Oli. Mais il a fait un clip de Gims dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Je l'ai regardé en même temps que je vous parle. Et qui m'avait vraiment impressionné. Que je trouvais où tu sentais qu'il y avait eu un peu de sous, de mi. Et où la réal était vraiment assez impressionnante. Ah, mais il y a des trucs de génie. Hein. Mais d'ailleurs, il y a plein de grands réalisateurs. C'est Immortel, pardon. Excuse-moi, la chanson, c'est Immortel. Celui qu'on cite à chaque fois, c'est Michel Gondry qui a fait des clips et tout. Mais c'est vraiment le truc par excellence pour tester toi, tes envies, ce que tu veux faire. Parce qu'il y a David Fincher aussi. Spike Jonze qui a fait un film Spike Jonze d'ailleurs sur l'intelligence artificielle, je crois. Oui, il s'agit du film Heure. Je suis content pour l'histoire d'une intelligence artificielle. Vous êtes encore là, vous? Oui, pardon. Non, mais ouais, mais c'est fou. Après, il y a The Blaze aussi qui a fait un taf assez cool en France. PNL aussi, quand même. PNL, bien sûr. ODD, la MIF. Mais qui ont construit un monument pour la PNL. C'est fou, ça. Ils l'ont gardé d'ailleurs. Ils l'ont laissé, Et on a décidé de le garder. Ils vont le péter pour le film, je crois. Mais ou alors l'emballer. Oui, mais on emballe tout. Ça va ou quoi? Moi, je suis pas emballé, justement. Ça dénonce ou quoi? Ça dénonce énormément. Mais moi, les clips, là où je vous envie les jeunes. Alors, non, je suis vieux aussi. Encore une fois, il me sent droit dans les yeux. Non, mais vas-y, je t'écoute. Moi, je sais pas vous, mais moi, je téléchargeais des clips pour les regarder en boucle et ça prenait 36 heures. Mais n'importe quoi. Non. moi si. Non, moi non. Moi, tous les clips de Slipknot, je les téléchargeais pour les regarder. Mais quand t'as YouTube, c'est la vie, quoi. Moi, j'avais moi, je consomme à fond. J'avais un MP4. Les Arcos, là. J'avais un Je sais pas. Ouais, les petits. Xavier Darcos, d'ailleurs. Ça ressemblait à un iPod, genre comme un. Je sais plus comment ils s'appelaient, ces iPods là, pas les nano touch, c'est pas les, enfin bref, ça ressemblait à un petit une petite télé, en fait, une petite téloche. Je regardais mes clips sur un minuscule écran de 2 cm. C'est vraiment les inventions qui ont duré 2 ans et demi, quoi. C'est comme le lecteur DVD portable. C'est la bonne idée trop tôt, quoi. C'est devenu les iPhones, quoi. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est comme les agendas électroniques, enfin tu vois, ces inventions qui étaient ultra révolutionnaires, puis c'est les années 2000. Voilà. Non, mais moi j'avais les DVD justement de Gondry, Chris Cunningham, Spike Jonze, j'avais Anton Corbijn. Non, ça marche pas, j'avais pas ça. Je dis pas bien. Non, mais les chansons qui a fait le film sur Joy Division après. et qui sont devenus tous réalisateurs incroyables. Oui, et qui avait fait le clip One de YouTube, qui était un clip magnifique. Même voilà, si Adrien chie sur YouTube. Ouais, littéralement. Police aussi, The Police, je déteste. Oui. Voilà. The Police, je suis d'accord. Ouais. On parle pas de. Ouais. Voilà. Pose ce pavé, enfin. Oh. Oh là là. Je ne dirai rien. Question c'est pour Pierre. Étant fan de hardcore metal mais évoluant dans des sphères culturelles plus grand public. Oui, bon bah mec. Non mais pas non, je rigole, ça me fait rire. Souffle dans le micro. Ouais. Étant fan de hardcore metal mais évoluant dans des sphères culturelles plus grand public, type 301 vues, est-ce que tu essayes, et j'ai l'impression que c'est un peu Laserdisc peut-être qui va faire ça aussi, est-ce que tu essayes de faire le lien entre ces mondes, ouvrir des nouveaux publics à ces scènes, construire des ponts au final. J'ai entre remarqué Zemmour et le métal. J'ai remarqué l'autocollant Fortifem sur 301 vues. Fortifem. Ouais ouais. Qui... Il a écrit Fortifem, c'est moi qui ai mal dit. Mmh. Ok. Ouais. Non, mais après, moi, c'est. Comment dire ? Moi, effectivement, créer des ponts, mais tu vois, moi, mon grand souvenir, c'était de Nulle part ailleurs, tu vois. Ah, qui était quand même une émission de grande écoute pour moi, même si je pense que Canal+, c'était en clair, si. C'était en clair, ça, je sais plus. Nulle part ailleurs ? Ouais. Ah oui, c'était en clair. Oui, c'était en clair. Ouais. Non, mais tu vois, d'avoir vu des. Ok, groupes, oui. Une fois de plus, Slipknot ou des Nirvana, des Rage Against the Machine ou comme ça, sur des contenus un peu plus mainstream comme ça, mais ça me fascine, tu vois. Ouais. Et oui, il y avait Deftones, je me souviens, sur Nulle part ailleurs. Il y avait tout. Ouais. Quoi. Et non, mais c'est vrai que moi, j'aime bien un peu. Il y a un petit chat qui vient. Je savais pas. Il vient faire une chronique à la fin de l'émission. Shell Sauce, paf. Dans la sauce. Elle me met des vedettes dans la sauce. Non, mais c'est vrai que je. Non, mais surtout que j'ai une certaine fierté à vouloir promouvoir des artistes ou comme Fortifem, des gens que j'aime. Ouais. Je veux les montrer un plus grand nombre et finalement faire croquer un maximum de frérots. Ouais. Le reste, tu vois. Évidemment. Non, et puis oui, non, mais je peut-être c'est une fierté. Ouais, je te dis mal placé. Pour me sentir supérieur à des gens et je suis pas comme tout le monde. Mais non, mais c'est vrai que j'aime bien valoriser d'autres subcultures. D'autres choses, et c'est vrai que je suis attaché à ça. Et puis, bah, comme on a dit avec Orti, finalement, même si on n'a pas accès à un catalogue fou, enfin, c'est cool de s'inscrire dans et faire découvrir d'autres artistes, quoi. Oui, oui. Et voilà, d'être un peu dans la curation, et je trouve ça cool. Je suis d'accord. Orti, pour toi, c'est quoi le plus grand avantage d'être sur la plateforme Twitch? J'ai eu un petit instant de flip, j'ai cru que t'allais dire « Alors ça fait quoi d'être une femme sur Twitch ?» Bien sûr. Le plus grand avantage d'être sur Twitch. Franchement, ça et des questions sur les croûtes, on n'en a reçu aucune. Vraiment, je te rassure là-dessus. J'imagine bien. Aucune. Les neveux croûtes. Le plus gros avantage à être sur Twitch, bah déjà c'est l'argent. Bien sûr pour la première. Non, en vrai c'est tout con, mais c'est l'interactivité avec le public en fait, ouais. Tout simplement. C'est pour moi le stream. Alors, est-ce que c'est la question, c'est stream ou Twitch? La question dit Twitch, mais après on peut disons stream. Est-ce qu'on peut streamer ailleurs? Mais ouais, vrai. Mais oui, rien. Non, mais c'est. Ça, la plupart des gens sont sur Twitch quand même pour l'instant. J'ai l'impression. Ah bah oui, clairement. Mmh. Moi je vais me créer un petit compte Mixer là par contre. Bien sûr. Ouais, j'arrive lourd sur joué. Mixer là. T'es allé sur archive.org. Ouais. Oui, c'est okay. Ça. Plus sur Mixer. Rendez-vous sur Mixer les man. Bah en vrai, Mixer c'était pas mal parce que. J'ai le droit de dire ça. on peut. Je vais être licencié chez Twitch. On pourra monter derrière, rassure-toi. Non mais c'était pas mal Mixer parce que mine de rien ça foutait la pression à Twitch et du coup ils se bougeaient un peu le cul pour faire des trucs qui du coup finalement non. Mais, cela dit, là YouTube va peut-être faire un peu jouer ce rôle là parce ouais, que apparemment ça se démocratise pas mal le stream sur YouTube. Bah, enfin, maintenant que les dernières versions d'OBS facilitent le. Ah ouais, Michou il stream sur YouTube. Michou il est sur YouTube. Il est sur Danse avec les Stars déjà. Mais oui, il stream sur YouTube. Bien sûr. Ah ouais. Et Inox aussi. Bah, de base, les croûtes et tout ça, les croûtons. Oui, les cousins croûtons. Ah, j'ai fait une blague là-dessus pendant le RP et la personne à qui j'ai fait la blague n'a pas compris. Relevé. Et du coup, j'étais très triste. J'étais vraiment très très triste. Une blague profonde. Comme ça. Bah ouais. Regardez les vlogs des croûtons, ça rend vraiment heureux. Oui, comme je suis d'accord. Oui, ouais, tu m'avais dit ça. Bon. Non, attention. Quoi non, rien. Non. Non, oui, je te dirais hors antenne. Michou et Noxac, oui, il était sur YouTube. Donc c'est vrai que YouTube, et surtout que YouTube est très agressif, surtout aux États-Unis, où là ils sont en train de récupérer. Il y a Tim the Tatman qui est venu, Dr Lupo. En fait, ils ont un algorithme sur YouTube pour les streams qui est vachement mieux que sur Twitch, parce que sur Twitch, tu ne peux pas te balader pour découvrir des trucs, c'est compliqué. C'est possible, mais il faut vraiment chercher. L'interface. Puis l'interface, l'interface, elle n'est pas plaisante, etc. Donc ouais, ce serait bien qu'il bouge ce truc là. Mais ouais. Non, rien du tout. Je partais sur autre chose. Vraiment, okay. Je te laisse terminer. Pardon. Non, bah du coup oui, le meilleur avantage à streamer, ouais, c'est ça, c'est la proximité avec le public, le fait qu'on ait un échange directement, savoir ce qui fonctionne, ce qui convient aux gens ou pas. Et puis en vrai, il y a un truc qui est vachement cool dans cette sphère là, c'est que mine de rien. Je vais peut-être pas me faire de potes en disant ça, mais le public, dans la majeure partie des gens, c'est des gens qui ressemblent aussi aux streamers, ouais, donc ouais. C'est des gens qui sont très névrosés, ouais. Et par conséquent qui savent à quel point la santé mentale c'est quelque chose de très important. D'accord. Et du coup, on est en tant que streamer, on va plus facilement aller dire bon écoutez les gars, là j'ai besoin d'une pause parce que ça va pas. C'est... Ça dépend de ton public évidemment, mais, oui. mais moi dans ma sphère, dans mon côté voilà. À moi, ouais. Tous mes potes streamers, je sais très bien qu'à chaque fois qu'ils disent ce genre de choses, et mon côté aussi c'est comme ça, les viewers sont toujours en mode mais oui, enfin t'as même pas à justifier, ouais. Vas-y, genre prends ta pause, y a pas de souci. Et c'est plutôt cool parce que de l'autre côté t'as les marques, les trucs comme ça pour les OP qui eux pensent qu'on est juste à leur service 24h/24 parce qu'en fait on est des petits rigolos dans notre ouais. Chambre qui jouent en jeu vidéo. Alors que, évidemment, c'est beaucoup plus que ça, mais... Mais la liberté de ton, et là, c'est moi qui vais devenir ce c'est personnage ça. De vieux monsieur oui. Que faisait Pierre. Fais-le. Alors oui. Je chie sur moi. Je suis très... moi, je suis très surpris par la liberté de ton sur les OP. Enfin, moi, c'est ça qui fait que, oui. Que sur quelques streamers que je suis, MV, entre autres, pour ne pas le citer, il y a vraiment un truc de, bon, bah voilà, là, je le dis, vraiment, je suis payé et que... Déjà, on n'a pas le droit de pas dire qu'on est, ouais. Qu'on est en OP. Non, mais ce qui est déjà énorme, oui. C'est vrai que c'est normalement sur YouTube aussi. Mais Adrien et moi, on vient d'une génération de créateurs d'Internet, ouais. Où je me souviens que les OP étaient très mal vus, oui. Qu'il y avait aussi peut-être l'erreur aussi de vouloir les placer dans le truc, alors plutôt que le dire au début et on n'en parle plus après. Ouais. Et tout ce truc-là, effectivement, je découvre de pouvoir faire des vannes sur la marque un peu, mine de rien. Oui. Je suis surpris toujours, moi-même, le joueur du grenier, en intro, des fois, fait des trucs vraiment où tu te dis ouais. Ah oui, donc vraiment, limite, tu chies à moitié. Parce qu'ils viennent nous voir pour ce qu'on fait déjà. Mais c'est génial, je trouve. Ouais. Enfin, et c'est du, coup, ouais, du coup, c'est très cool là-dessus. Ouais. Mais je pense qu'on peut, on a cette liberté justement parce qu'on est très, très transparent. Ouais. Déjà de base avec le public sur ce genre de choses. Et du coup, en fait, comme il y a une réelle communication, ce qu'on ne pourrait pas avoir avec des vidéos YouTube, etc., il y a vraiment un échange qui se crée avec le chat. Et du coup, bah, en fait, on peut être très clair sur plein de trucs. Et ouais, après, c'est difficile du coup, de savoir où nous, on doit arrêter ouais. De ouais. Donner des infos sur nous-mêmes. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça le vrai. Où s'arrête la transparence ouais, pour notre sûr, propre bien. Après, les marques, elles sont obligées un peu de jouer le jeu sur Twitch bien parce sûr. Que c'est tellement un truc qui est basé sur la spontanéité. Enfin, tu vois, c'est pas comme une vidéo où tu vas préparer ce que tu vas dire, c'est, ça, ouais. C'est vraiment de la réaction en direct. Oui, c'est ça, il n'y a pas à faire valider. Il y a forcément une part de. Ah ouais? Bah, il y a des OP où justement tu dois. Les gens vont venir te voir en disant voilà, on veut 2 heures où tu joues à tel jeu, ouais. Où tu fais tel truc, machin. Et donc, toi, de ton côté, parfois ils te donnent carte blanche. Ouais. Et du coup, là par exemple, j'avais fait une OP avec Baguera, qui est une autre streameuse. La tantine croûte. Tout à fait. Entre quoi autres, la tantine croûte. Tout à fait. Baguera Jones qu'on embrasse. Bien sûr. On a fait une OP pour des ordinateurs. Et en fait, on avait carte blanche sur ce truc-là. Et du coup, nous-mêmes, on a dû aller leur dire ce qu'on voulait faire. Et ils ont dû valider ce truc. D'accord, et oui, quand même. Et donc, parfois, même, il y a des streamers qui vont venir demander à leur communauté OK, la marque me donne tant de temps. Vous me verriez faire quoi, oh, etc. Donc, parfois, bien. Les OP sont créés même avec le chat, quoi. C'est et bien. Puis je pense que l'argent est déjà central à Twitch aussi. Enfin, ouais. Je veux pas te cacher ça de base. Oui, bien sûr. On voit heureusement l'argent. Avec ouais. Les abonnements, on le rappelle ouais. Qu'on peut s'abonner avec soit gratuitement si on a un compte Amazon Prime vidéo, mais avec des sous. Ouais. Et plus les bits, qui est une monnaie un peu fictive, mais ouais, que tu dois acheter avec du vrai argent. Avec de la vraie ouais. Argent. Donc en fait, ces transactions, tu les vois là. Donc je pense que c'est induit de base via l'ADN même de la plateforme. Donc je pense que ça choque moins et il y a une vraie. Il y a eu un vrai changement qui s'est fait, qui en a profité aussi sur YouTube. Ouais, tout le monde est beaucoup plus détente. Ouais, ouais. L'argent, oui. Et puis même, j'ai l'impression que les gens sont heureux peut-être de voir des créateurs ou créatrices, même voir ah, t'as cette OP là, c'est cool, validé. Ça pour le coup, c'est très cool d'avoir ce truc de plus t'as de l'argent, plus tu grappilles de l'argent, plus tes viewers sont contents. Ouais. Mais, non, mais c'est vrai. Bah, ouais. En fait, c'est littéralement c'est ça. Mais du coup, il y a un espèce d'équilibre à avoir aussi, parce que mine de rien, c'est de l'argent, mais c'est virtuel, tu payes virtuellement. Ouais. Et du coup, très vite, tu t'arrives dans ce truc où... Enfin, moi, je sais que j'ai tendance à rappeler aux gens de ne pas brûler les trucs, parce que comme c'est pas physique, tu donnes pas physiquement l'argent, tu te rends difficilement compte tout de suite. Enfin, moi, je sais que je suis la première à aller claquer des subs comme ça, parce que juste, je réfléchis pas. Moi, j'ai fait ça en voulant recréer Springfield sur mon iPad. Il y avait un jeu comme ça. C'est exactement ça. Énormément d'argent. En fait, c'est exactement ça. Ça s'appelle du gacha. Ouais, c'est ça. Ces jeux-là. Et en fait, Twitch, si le streamer fait pas gaffe, ou même s'il fait exprès, ça peut très facilement devenir du gacha. Oui. En fait. Donc oui, il y a un équilibre à avoir de « Ok, c'est cool, parce que moi, j'en vis. » Donc, je suis transparente sur ce que je reçois, etc. Et quand je reçois de l'argent aussi. Mais il faut faire attention à ne pas leur dire « Allez, moi, souvent, je dis... Enfin, tu sais, quand il y a genre le train de live, et tout comme ça, où je dis « Bon... » Il y a le train de live, mais on s'en branle. Genre, c'est pas pour autant qu'il faut sub si vous n'avez pas les moyens. Enfin, tu as des trucs un peu. Les gens se foutaient souvent de Michou, justement, parce que parfois il reçoit des sommes faramineuses et il dit juste ah merci, c'est cool. Et du coup, les gens étaient genre, mais mec, c'est énorme, réagis un peu plus. Et en fait, il peut pas réagir plus. Parce que s'il réagit plus, ça donne aux autres envie de créer aussi cette réaction-là. Ouais. Et du coup, en fait, non, c'est, je pense qu'il a vraiment le bon réflexe. Ouais. Lui, ouais, il a adressé ça, ce problème-là en plus. Peut-être qu'il est sans doute pourri par l'argent à son âge. Non, je plaisante. Non, mais c'est une blague. Voilà, je plaisante. Non, mais cela dit, moi, c'est vrai que quand je. Justement, tu disais, nous, quand on était sur Golden Moustache, on se faisait chier dessus à dès qu'il y avait placement un placement de produit, dès qu'il y avait un truc comme ça. Et moi, quand je suis arrivé sur Twitch assez récemment, mais quand même des années après Golden Moustache, j'avais été justement choqué du contraste, en fait, parce que moi, j'avais dit on m'a proposé. Bon, on m'a proposé une fois une OP que j'ai pas faite d'ailleurs. Et j'avais dit ouais je sais pas si je vais la faire, et tout le chat disait mais vas-y fais-le, prends l'argent machin, etc. Ouais, et non, sûr, pas rends l'argent le même, contrairement le même de et j'avais été surpris du justement le virement de réaction j'ai l'impression que c'est parce qu'on est très transparent, du coup quand un YouTuber va faire une OP, t'as vraiment cette sensation que c'est vraiment la marque qui te parle. Alors que quand c'est un streamer que t'as l'habitude de voir, t'as plus cette impression que, mine de rien, que c'est un pote, c'est ce qui est horrible d'ailleurs, mais un pote qui va quand même être de ton côté à toi, et il dit vas-y, je dois te parler de ça, mais il y a toujours cette espèce de petite ironie derrière, ce second degré qui... C'est spontané, quoi. Et c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il y a pas, tu te dis pas, alors peut-être à tort, mais quand c'est un truc YouTube, tu te dis ouais, le mec s'est tapé 12 réunions avec les mecs de la marque et tout ça, ce qui est peut-être le cas sur Twitch également, ça peut être le cas. Mais tu le ressens moins parce que c'est encore une fois un média qui est basé sur la spontanéité, quoi. Donc tu te dis, il en parle de façon naturelle et tout. Mais on parlait de YouTube de notre époque. Non seulement je pense que les mentalités ont un petit peu évolué, mais comme dit, moi je trouve ça vachement mieux maintenant de le dire un peu au début ou au milieu. C'est vrai que nous en vrai c'était un peu caché, quoi. Enfin, je comprends aussi la surprise un peu chiante de tu regardes un truc et au milieu ça mange des granolas, il y a un gros plan granola, tu fais bah les gars, prévenez quand même. Donc c'est peut-être ça aussi qui énerve un peu les gens. T'as l'impression un peu d'être pris pour un coup, un petit peu piégé, peu comme ça. De toute façon, après, les Français typiquement détestent la réussite, quoi. C'est vrai, ça. C'est un souci, quoi. Mais c'est pour ça qu'on enregistre actuellement aux States. Hein. Mais c'est intéressant. Moi, ce que je trouve super intéressant avec le Twitch français, et d'ailleurs, c'était aussi le cas du YouTube français au moment de la grosse explosion de ce qu'ils appelaient les podcasts, mais qui n'étaient pas du tout des podcasts, parce que c'est ce qu'on fait, les podcasts. C'est que c'est. Internationalement, c'est assez fat, en fait. Enfin, une émission comme celle que fait Domingo, ou même non seulement le RPZ, mais le The Event, enfin, c'est quand même des trucs où je trouve que la France n'a pas à rougir du reste du monde sur la place. Cocorico. Ou alors rougir de fierté, peut-être. Oh, oui. Le rouge, du bleu, du blanc et du rouge. Voilà comment on rougirait. On a beaucoup parlé, on va aller vite fait sur les recommandations. J'ai un jingle à l'arrache que je vous balance. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. C'est les recos. Cinéma, série, BD. C'est les recos. Happy Podcast Chaîne, puis c'est les recos. Adrien, ce n'est pas moi qui chante, c'est Florent. C'est les rock. Mais attends, c'est une version kazoo de Despacito. C'est une version saxophone. Oh, ça envoie du sax, tu veux dire. C'est pas ça. Je ne veux que des recommandations qui envoient un maximum de sax. Il est là, mon festival Robles, en fait. Il est un petit peu. Il est là. Qui est avec deux pieds dedans. Tu viens de te rendre compte. Rêve de gosse, finalement, là. Waouh. C'est beau. Pierre Lapin. Ah ouais, direct. Ben ouais, parce que toi, je sais que t'as travaillé. Mais t'adores la culture. Ouais. Quelle est ta recommandation culturelle? Moi, c'est des. Bon, après, je suis très discret sur une application en ce moment. Ouais. Marmiton qui vient d'arriver en France, je crois d'ailleurs. Marmiton, entre autres. Mais l'appli santé d'iOS. Oui. Quoi? Non, c'est pas une blague sur ta maladie grave, Pierre. Oh waouh. Non, moi c'est des TikTokers, bien sûr. Et allez, c'est reparti. Ah. Non, mais il y a toute une jeune garde que j'aime bien, qui porte le nom de Homme Qualitatif ou encore Léo Demicel, où c'est un peu des kids qui se rapproprient un peu les vieux codes, justement, parce que je pense qu'ils ont grandi avec le YouTube et ils arrivent à ironiser, à être un peu cynique sur des choses. Moi j'aime bien, ça me parle un peu. Ouais. Rappelons que ton corps est rempli de fiel. Oui, ouais, voilà, c'est un corps de serpent, je rappelle. Oui. Petite référence. On l'embrasse. Mon cœur est rempli de chevaliers du fiel, d'ailleurs. Exactement. C'est très d'ailleurs, quelque chose que je m'étais permis de souligner, les chevaliers du fiel ne sont pas spécialement remplis de fiel. Remplis de fiel, dans leur humour, sûr. C'est plutôt de l'humour grand public. Ouais. C'est bien. Non, mais homme qualitatif, Léo Demicel. Donc, et puis aussi, il y a un côté, bon, des fois, des petits sketchs un peu cons qui empruntent aussi, quelqu'un qui a percé un peu plus, c'était au Babac aussi récemment. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais de là, il y a un truc un peu absurde et. Bon, on est sur des personnes, je pense, un peu névrosées. C'est vrai qu'il y a toujours ce feedback un peu négatif et sur que ce qu'ils font, quoi, comme ça. Ouais. Mais que j'aime bien, que je trouve ça assez touchant et qui aussi, c'est une certaine liberté de ton aussi sur des positionnements ou même sur leur santé mentale et tout ça. Et je trouve ça cool de voir des kids un peu comme ça. Donc ça, j'aime bien. Et gros coup de cœur pour Elodie, la belle du 62. D'accord. Qui est une. Déjà pour son pseudo. Merci. Son pseudo, qui est une TikTokuse qui vous propose de faire du jeu d'acteur en français, donc de participer avec elle, de faire des duos. Ah, mais oui. La fameuse. Et qui, moi, je prendrai une balle pour cette personne. Ah, voilà. Je connais. Et je suis 100% d'accord avec toi. Voilà, j'espère que, bien évidemment, elle va pas se faire cyberharceler très rapidement, non. Mais en tout cas, je l'aime non. beaucoup. Pas par nos auditeurs, qui sont quand même des gens plutôt. Il y a 2-3 merdes. Mais non, on les embrasse. C'est la Elodie la belle du 62. Non. Préservez, s'il vous plaît, Elodie, je vous en conjure. Oui. Voilà, ouais. Petit tour de reco. Comme ça, finalement. Adrien ? Oui, alors moi je crois que c'est un. J'ai déjà recommandé la chaîne de Etienne For You, je crois, dans bien un sûr. Précédent. Mais parce que ça mange du pain ou pas? Ça ne mange absolument aucun pain, ni aucun type d'aliment d'ailleurs. Aucun. Non, mais parce que je veux faire un prix de groupe, c'est que Etienne For You, donc, qui fait des live Twitch. Et vraiment, il fait des jeux musicaux, donc je suis dans le thème. Pure musique. Et vraiment, il mérite beaucoup plus de viewers, je pense, parce qu'il fait un truc. En gros, pour info, mon jeu des chansons qui baisent ensemble, donc c'était avec des mashups de chansons, machin, etc. Lui, il en a fait vraiment, c'est-à-dire qu'il crée les mashups vraiment, où il prend les paroles, il prend les trucs, et la réponse est un mot valise. C'est trop bien, et il continue, il les fait là. Et. C'est le retour là de son podcast Party for You, qui est le même principe mais en podcast avec des invités. Il avait fait une pause de, je sais pas, peut-être presque un an, je pense, un truc comme ça. Enfin, il a fait une pause. Là, le podcast reprend, donc c'est ça, Marocco, Party for You. Notamment parce que dans le dernier épisode qui est sorti hier, c'est moi l'invité, entre autres. Comme par hasard, qui est sorti hier pour les gens qui sont dans la table. Oui, voilà. Il y a quelques jours. Voilà, Party for You, PARTY4U. Ouais. Des jeux sur le thème de la musique. Le chiffre 4 et U. Mais t'es pas U. Oui, bien sûr. Ah, oh, mais je le dis. Ah, non, mais Party t'as bien fait. Moi, ouais. Dans ma tête, j'avais mis 4 U. Et il fait un événement physique. Oui, absolument. Mais tu me mets bien au pied du mur parce que j'ai pas les infos. Donc il me semble que c'était à la Boule Noire. C'était à la Boule Noire, c'est dimanche. C'est à. Je crois que c'est trop tard. Du coup. Mais... C'était hier, du coup. Ah, ouais, bah donc hier. Voilà. Bon, merci, allez. Pierre. T'as tout gâché, Pierre. Il y aura peut-être d'autres événements. Ouais, sur Twitter. Non, mais etc., en tout cas, allez suivez-le sur Twitch. Exactement. Et écoutez son podcast. Orti. Oui. Moi, Marocco, ça va être une streameuse qui est probablement une de mes streameuses préférées depuis très longtemps maintenant. Je regardais ses streams avant même de streamer moi-même. C'est Opé Crotte. Okay. Qui est pour moi vraiment une des personnes qui me fait le plus rire sur tout internet confondu. C'est une streameuse qui est là 6 jours sur 7 il me semble, ou 5, ah, je sais plus pour exactement. Moi c'était du lundi au vendredi, non? Oui c'est ça, je crois que c'est du lundi au vendredi. Elle lance, maintenant elle lance vers 14-15h et en fait elle parle de beaucoup de choses, elle parle énormément avec son chat, mais surtout tous les jours elle va revenir sur l'actu d'aujourd'hui, voilà. Mais ce qui me plaît le plus dans sa façon d'être, c'est qu'elle est extrêmement chaotique. Et le chaos, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc avec elle je suis servie comme jamais. Je trouve qu'elle a clairement pas autant de viewers que ce qu'elle c'est devrait sûr. Avoir, parce que pour moi cette meuf c'est vraiment un génie quoi. Elle est vraiment extrêmement drôle, elle rebondit sur tout très vite, elle a une capacité à host qui est très impressionnante. Et au-delà de ça, elle arrive à être très drôle sur des sujets qui sont parfois hyper touchy, qu'on pourrait qualifier de woke. Quelque part, on peut dire woke. Ouais. C'est pas un gros mot. Non, mais et du coup, ouais, Opé Crotte, elle est très très très drôle. La lettre O, la lettre P et le mot crotte. Crotte. Voilà. Il y a pas de E. Ouais. OP pour 4 U par contre. Overpowered, je crois, ou quelque chose comme ça. Oh, je connaissais pas ça. Okay. Elle m'avait dit que c'était une un peu comme le soleil noir, tu vois, idée, sauf que elle a mis une crotte. Le OP crotte. Une crotte, crotte ouais. Voilà. Ça nous parle. Et bien quant à moi, je vais vous conseiller un film alors qui est pas sur beaucoup de salles. J'adore ça. Ah bah ouais. J'ai hésité, il y avait un album aussi que je voulais parce que j'avais écouté l'album Différentes classes de Pulp. Et très bon album, voilà. Je le passe comme ça, si vous voulez. Okay. Mais là, ma découverte récente, c'est un film qui s'appelle Summertime, qui est réalisé par Carlos López Estrada, qui est quelqu'un de très très fort, qui avait fait un film qui est peut-être plus facile d'accès, parce que là, le film dont je vous parle, il est au cinéma, mais il est sur pas beaucoup de salles. Par exemple, moi, je sais qu'à Paris, il passait dans 4 cinémas, je crois, 3 ou 4 cinémas, 12 avocats. T'es un snob. Je suis un snob. Non, mais Carlos Personne López... va pouvoir le voir, ton film. Non, mais alors, justement, c'est aussi pour ça que je fais une double roco. Donc celui-là est un petit peu difficile d'accès, mais il est vraiment bien s'il passe vers chez vous. Je pense qu'il passe quand même dans des grandes villes. Mmh. Et de quoi ça parle ? Eh bien, écoute, c'est la vie de 25 personnages. C'est énorme. Non, mais justement, c'est déjà beaucoup. Vous allez voir. En fait, l'idée, c'est quand ça se passe tout à Los Angeles un été. Et ces 25 personnages sont en fait tous des poètes de rue, des gens qui font des poèmes. Mais Adrien déteste. Laissez-moi terminer. Laissez-moi j'ai rien terminer. Dit. J'ai rien dit. Hein. Non, je sais. Mais je vais aller au bout. Mais les destins de ces personnages s'entrecroisent et j'espère. Tu me connais Adrien, je suis pas le plus gros poète. Je sais pas si t'as écouté trois épisodes. Excuse-moi. C'est qui le plus gros poète? Le plus gros poète autour de la table, c'est pas moi. Mais en tout cas, c'est vraiment un film vachement bien. Donc effectivement, il y a 25 personnages. Il y a du slam un peu, il y a un peu de slam. Mais pas vraiment justement. En fait, c'est ça qui est vachement bien. C'est-à-dire que tu lis le pitch. Non mais c'est pour ça que tu lis. Prends ça, grand corps malade. Moi c'est un critère important. S'il n'y a pas de slam dans le film, c'est non, mais voilà. Un bon point. Le pitch dit comme ça, on croit justement que c'est très branlette et tout. Pas du tout. C'est vraiment très moderne. Et justement le fait que ça n'épouse pas une structure dramatique traditionnelle. Classique. C'est vraiment ridicule. Pierre, bordel. On dirait un autre chroniqueur du podcast du mec qui a vu Her. Pardon. Et donc tout ça pour dire que c'est un film vraiment bien. Mais comme j'avais conscience qu'effectivement c'est un film qui n'est pas forcément facile d'accès au cinéma, ce metteur en scène Carlos López Estrada, qui entre autres a bossé sur le dessin animé Raya, donc vraiment rien à voir avec les dragons, il a fait un autre film qui s'appelle Blindspotting, qui est un film vachement... Non, Blindspotting. C'est Train, je crois. Il y a que les anglais là. Qui est dans les chiottes. Non mais t'inquiète, je comprends. Il y a aucun problème. Je savais où je m'embarquais. Tu m'as oublié, non? Et non mais donc j'ai bien vu que je payais pour ça. Et donc Blindspotting, je peux pas vous dire mieux. Pour moi, c'est le La Haine des années 2000. Okay. Wow. C'est un film très moderne. Donc c'est Trainspotting. Sur... c'est le Trainspotting. Okay. Non, Blindspotting de Carlos López Estrada avec Rafael Casal et David Diggs. Je vous jure, c'est un très très très bon film, plus facile d'accès que le que je vous ai conseillé, qui est disponible en VOD. Et vraiment, c'est un film où le réalisateur est vraiment super fort. En fait, plus facile d'accès au niveau pratique. Oui, parce qu'il est en VOD. Pas artistiquement. Ouais, non, non. Et artistiquement aussi, parce que pour le coup, l'histoire est plus traditionnelle. Okay. Mais il n'y a pas d'acteur connu. Enfin voilà, c'est vraiment un petit film, mais où il y a mille idées. Hein. Est-ce que tu dirais que c'est une pépite? Franchement, c'est, c'est ma pépite en tout cas. C'est ta pépite. C'est Fleabag et ma pépite Amazon, qui m'a rapporté un peu d'argent. Ah. Et Blindspotting, c'est ma pépite c'est cinéma. Ça, oui, j'ai fait une OP pour Amazon. T'as fait une OP pour Fleabag? Ouais, ce qui est quand même non, cool. Non, pour Amazon Prime. Pour Amazon Prime, mais c'était une super OP parce qu'on dit tu veux parler de Fleabag? Je fais bah oui, c'est une série que j'adore. Ah, d'accord, donc en fait, on te. Non, on m'a dit de choisir parmi une vingtaine, le catalogue Amazon, et j'ai choisi Fleabag. Bah, bien sûr. Donc, bon, c'est quand même plutôt cool. Rien d'autre. Et. Non, s'il y a The Boys. Et petite histoire, oui, mais qui était déjà pris pour le coup. Et petite histoire un peu rigolote, Combini, et je suis très woke, mais justement, je me suis dit à un moment, oh, est-ce que c'est pas un peu bizarre que je choisisse Fleabag? Et en fait, bon, il y avait que ça, donc j'ai pris ça. Bref, on m'a proposé une OP pareil, Combini avec Bic. Ah. Et ensuite, Bic a dit, non, non, pas lui. Donc, oh non, si je peux vous donner un autre conseil. Rasez-vous avec autre chose que Bic. Même pas. Les stylos. Ouais, les stylos sont pas si ouf. Ouais, un bon crayon de papier. Déjà, quand c'est même du plastique. Déjà, un clavier d'ordinateur, un stylo plume, beaucoup mieux qu'un Bic. C'est la fin. Parfois, l'encre gel et tout. C'est nul. Nul. Et puis la couleur, non, tout m'énerve. Ils ont collaboré avec les nazis aussi. La marque. Non, c'est avec Nagui. Nagui. J'ai confondu. Mais depuis. Dernier petit tour de table pour savoir l'actualité de chacun. Alors, Horty Pierre. Laserdisc. Sur yes. Arte Cinéma. Arte Cinéma, bien sûr. Non, sur Arte Cons. Enfin, sur Twitch. Sur Arte.fr. Twitch.tv/Arte.fr. De vendredi. Un vendredi sur deux. Un vendredi sur deux. Donc là, en quinconce avec la publication des best-of sur YouTube. Exactement, sur YouTube. Génial. Arte Créative. Voilà. Mais j'ai donc, placé coup, le mot quinconce. Ouais, et ça me fait très plaisir. 12 points. Urètre a été placé 8 fois. Ouais, c'est dommage. Donc là, le jour où l'épisode sort, du coup, il y a un épisode qui sort vendredi. Exactement. Vous enregistrez, enfin, il y a un live vendredi. Vendredi, exactement. Ouais. À 20h. À 20h. Et vous pouvez nous en les inviter ou ce sera pas publié à ce moment-là, je pense. Non. Non, ah, d'accord, il ne faut pas le dire. Pas. Eh bien, suivez-les sur les réseaux. Non, justement, c'est par rapport à ça. Suivez sur les réseaux. Généralement, on annonce les invités un ou deux jours avant. D'accord, ok. C'est le mardi. D'accord, voilà. Super. Voilà. Et chacun, donc Horty, toi, tu as ta chaîne Twitch. Tout à fait, j'ai ma chaîne Twitch où je stream. J'essaye de streamer tous les jours, mais c'est un peu compliqué. Donc, au moins tous les deux jours, je fais un stream. J'aime bien me laisser porter par le vent. Bien on sûr. Voit avec le chat ce qu'on a envie de faire. Et puis, j'avoue que je suis assez. Comment on dit d'un coup, je vais avoir une envie et je vais penser qu'à ça. Je suis assez obsessionnelle sur ce genre de choses. Donc, voilà, il y a des lives où d'un coup, je vais me mettre à créer des tapis. et puis d'autres où juste, voilà, on joue à des jeux. Un petit Sea of Thieves. Voilà, voilà des choses comme ça. Juste on peut s'appeler on a fait des soirées pyjama avec Bagheera et Clara Doxal où juste on ricanait de notre côté ça peut être tout et n'importe quoi très bien voilà super on regarde des clips aussi de temps en temps parfait sans son ah oui bah oui du coup ah oui. Oui bien, bien sûr Véronique ouais, bah ouais vous aviez envie bien sûr évidemment enfin bordel. Et les best-of des Croûtes aussi sur ta chaîne oui. En alternance avec tous les jeudis à 18h. Les beaux-frères Croûtes. les cousins Croûtes tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube de Bagheera Jones que je ne cesse de citer. Très bonne idée market et du coup. Du coup, je me suis abonné aux deux chaînes YouTube. Très bonne idée market pour suivre les histoires. Tu as très, très Pierre, j'ai l'impression que tu streams un petit peu moins. Est-ce que tu il a repris pas mal là. Ah, pardon, c'est assez récent, non? Là depuis quelques jours depuis la rentrée. Ah oui, depuis la rentrée, oui, oui depuis mais la rentrée. De toute façon, t'as bien vu que toutes mes informations sont non mais quand ça concerne Twitch, début, pas... tu as chié la merde. Disons-le comme non, on là, le pense. Non là, ces derniers jours, tu streams beaucoup. Tu fais le matin et après-midi. Oh là là, mais passe sa vie sur le sur les ondes. Et je psychose sur les ondes. Ouais. Bah les ondes du web, la fibre. Oui oui, bien sûr. Le wifi en fait, juste c'est pas des ondes. C'est pas des ondes le wifi, excusez-moi. Regardez le logo. D'ailleurs, tu dis le ou la wifi? T'as le sandwich. Tiens d'ailleurs, je savais pas où le placer. Le format Combini où ils font un acrostiche avec leur nom, vous voyez ce truc? True Story. A comme non, ah, non A comme admirable. Ouais. Le pire format de Combini. Voilà, ah, je pas c'est où... juste non, ah, je savais c'est pas. Les Combini nous adorent en plus. Pourquoi tu fais ça? Non mais parce que je savais pour pas les aider à s'améliorer. Voilà, ouais, bien sûr. Temps non, à autre, c'est le seul média qui parle de nous. C'est incroyable. Non mais c'est pas contre eux. Non. Juste. Il donne son avis. Arrêtez celui-là. Artiste validé. Je vous adore. Juste ça, c'est arrête. arrêter. Les gens ne savent pas quoi dire à chaque fois. Ils disent les mêmes adjectifs, ils disent des adjectifs qui n'ont rien à voir avec eux. Parce qu'ils disent, ils n'ont pas préparé le truc. Arrêtez ce format, ça n'a, arrêtez-le juste. Voilà. Bah voilà. Tout le reste, c'est super. Tout le reste. C'est une sandwich. C'était donc ta reco. Mon anti-reco. Moi, les sandwichs, à part que je croyais pendant longtemps que c'était vraiment. Ouais, ça parlait de sandwich. Ouais. C'est vrai. J'étais déçu quand j'ai appris que ça. Bah ouais, parce que moi, le j'adore les sandwichs en fait. Ouais. Et quand j'ai appris que ça parlait pas vraiment de sandwich, j'étais très déçu. Mais en vrai, je serais intéressé par un format sandwich sur les vrais sandwichs. Ça pourrait être intéressant. Mais ouais, il y a un épisode de À bientôt de te revoir avec Gringe où vraiment ils font tout un aparté sur les sandwichs triangles et j'ai trouvé ça très intéressant. Vraiment. Oui, bah disons une fascination en plus. Gringe et Aurel sur les sandwichs triangles, c'est. À la base de leur alimentation. Alimentation à, la base. À base de sandwich triangle. Exactement. C'est dans les paroles. D'accord. Et donc, tous les matins sur Twitch. Alors, du coup, Pierre, non. Tu as arrêté Twitch donc. <C'est ça> non, ouais, je me laisse porter par le vent. Ouais, toi aussi. Peut-être Pocahontas. Sea of Seas. Sea of Seas. Ouais, ouais. Porté par le vent, la voile. Oui, le oui. Bateau. Ouais. Je l'ai. Tu l'avais pas, Pierre. Si, c'est vraiment. Marc, la voile. Ouais. Oh. Garou, Céline Dion, sous le vent. Alors. Bonjour, c'est Laurent Voulzy. Je savais pas qu'on l'utilisait. J'ai ça. Bon, attends. Bonjour, c'est Laurent Voulzy. Bonjour. On va avoir un petit coup de pluie, là. Ah, je l'ai plus. Oh merde. Je l'ai plus parce que j'ai ça. Bonjour, c'est Pascal Obispo. Voilà. Est-ce que t'as le bonjour, c'est Sarkozy? Non, je l'ai pas. Bah non, tout le Twitch. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Je vais essayer de passer sur autre chose. Donc j'essaie de mettre. Voilà. Bonjour, c'est Laurent Voulzy. Voilà, de temps en temps. Non, mais en plus, il est dur à placer. C'est là pour la ZIC, t'étais. Bah ouais, c'est pour ça que j'avais mis de côté. Pas forcément l'occasion. De... Ah, c'était pour ça les questions sur les musiques des parents. Ouais. T'espérais qu'on parle. Mais c'est fou parce que j'aurais très bien pu en parler en fait. Ouais, ils étaient sous le coude. Parmi les artistes aux dents écartées devant, est-ce qu'il y en a un qui. Tu connais très bien Alain Souchon par exemple. Ah, très bien. Mais oui, en plus, il l'a dit. Et donc, Pierre, donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à placer qu'il a pas pu faire dans le podcast, peut-être? Moi, je voulais dire bonjour à ma maman. Voilà. Ah, bah, voilà. Ouais. Pierrot. Donc, sur Twitch, Pierre Lapin. Tu rejoins Twitch. Sur les. Avec Jimo. Vous allez faire une pub. Ah, je suis fatigué. sur Twitter, parce regardez. Que ma maman écoute en fait et du coup. C'est important. Non, j'ai un petit podcast aussi qu'on essaie de reprendre avec mais quelqu'un oui, que tu détestes. Écouté avec Anthony Mirelli, voilà. Que je hais. Sombre voilà, personne. Et Vincent Manilleff qui déteste. Alors si vous ne pas, si vous ne dites pas sur internet que vous faites un placement de produit, bah, il va Vincent Manilleff va vous tomber bah, sur le coin de la caboche. C'est Candyman en fait. Si tu le fais trois fois, il apparaît derrière toi. Il apparaît à l'image dans le cadre derrière. Il est veille au grain. Moi c'est le c'est le celui qui a la bosse là de sans aucun doute. Maître Vergès. Maître Vergès. C'est Vergès. C'est le maître Vergès de Twitter. Nadja Vergès, je connais tous les maîtres de la télé. Et j'ai décidé de me présenter à les élections 2022. Ah, voilà. Bravo. Tu te présentes? Je me présente aux élections 2022. Le PL. Voilà. PL vous mettra en PLS. Pas mal. Pierre Lapin. Exactement. Ouais. Le parti du love, finalement. Oh, t'es bienveillant. Mmh, la bienveillance avant tout. Adrien. toujours les mêmes trucs que la dernière fois. La bonne auberge, tous les... à peu près premier dimanche du mois sur Twitch, du jeu de rôle en live. Et puis voilà, la série Hors de lui qui va sortir, dans laquelle j'ai un rôle. La série Visitors qui va sortir un Derby Girl saison 2. Ça, ça sort je ne sais pas quand. Mais que d'actu. Hors de lui, t'es le 20h ou quoi, tellement t'as d'actu. Exact. Non, voilà, Hors de lui, c'est celle qui va sortir le plus vite, je pense. Et Baptiste, alors, bon, peut-être pas faire d'annonce, mais on va peut-être en tout cas, on trouvera Baptiste pour nous en parler. Ça, oui, sûr. Oui, oui. Ça, c'est oui, sûr, oui, Baptiste on va Lambert. Faire un épisode spécial Hors de lui. Je pense. Il y a de grandes chances. Totalement. Et donc voilà. Bon bah voilà. Trop bien. Et toi le petit Florent? Non mais moi pareil. Alors si ah putain bien sûr que si. Le petit frisé, le petit bouclé. Je suis un mouton. Le spectacle de Baptiste Le Caplain bien sûr que j'ai cru. Autre bouclé. Autre bouclé. Vous êtes de bouclé. Qui se ouais, bien sûr. D'ailleurs on a un duo comique les cousins bouclés. Ah j'allais dire les cousins bouclés. Les cousins bouclés. Et on a eu 12/20 de la part de Jean Benguigui à On ne demande qu'à en rire. Donc Baptiste Le Caplain qui joue son nouveau spectacle Voir les gens que j'ai eu la chance et le plaisir de coécrire. Sébastien coécrire. Sébastien coécrire, bien sûr. Mais je suis d'accord. Il s'appelle Sébastien. Ouais, ouais. Bien sûr. Ah ouais. Ouais. Pas. Sébastien Coissimo. Mais il a changé de nom pour. Oh, yes, ça va. L'épisode est trop long, donc on s'en branle. Je viens de réaliser que Coé avait un prénom, moi. Donc, ah ouais. Ouais. Ah oui. Tout le monde croyait que c'était Burger, et pas du tout. Il y a rien acheté dans cet épisode. Il y a rien acheté, même si c'est long. Je suis désolé. Donc Baptiste de Caplain, voir les gens, et il joue un peu partout. Alors j'ai pas les dates, ça aurait été génial que je les ai sous le nez, mais je les ai pas. Vous googlisez Baptiste de Caplain voir les gens. De toute façon là il finit Billard son... elle est sur Billard. Oui. Non mais il finit son rodage. Si on a des Belges en tout cas, ou des Bruxellois qui nous écoutent, peut-être Anthony Mirelli d'ailleurs. Oui. Ouais. Il sera à Bruxelles le 1er et 2, donc là ce week-end. Si vous êtes voilà, il joue au comment il s'appelle, au Kings of Comedy, voilà. Il sera à Lille le 8 aussi, le 8 octobre. Voilà, j'ai quelques dates là sous les yeux, donc je vous le dis. Et puis j'y serai sûrement pour, puisque vu que c'est la fin de son rodage, je suis souvent dans la salle pour voir ce qui marche, ce qui marche moins, voilà. Et puis après, il fera la tournée de plein de salles fin 2021 et tout en 2022. Et sinon, toujours la bande dessinée Oli et l'Alien, chez vos libraires et chez Amazon, partout, la Fnac, etc., etc. On a toujours pas. Offert, mais regarde, qu'est-ce qu'est là? Oh yes, let's go! Ah. Et c'est la petite édition pour Pierre. Allez. Ouais, c'était pas prévu. Elle est là. Voilà, et puis je crois que c'est tout. À chaque fois, j'oublie des trucs. Regardes, toutes les semaines, donc voilà. Et si, on est à le Friends. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas bruxellois. Voilà, du coup, on peut dire ça a été annoncé. Ça a été annoncé, tout a été annoncé. Non, mais il y a un truc spécial qu'on a. Samedi, qu'est-ce qu'on fait, Adrien? Alors attends, je commence. Dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On fait un épisode de podcast. C'est voilà, basique. C'est basique. Patrick Beau, Chronomusique, Manon Bril. Exactement. Trois invités fabuleux. Des rires en perspective. Et le samedi. On va faire un podcast raconte en live. Oh et oui, on en avait fait un l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a deux ans peut-être même. Est-ce que c'était avant le Covid? C'est à deux ans. C'était après le premier confinement, je crois. Non. Mais si je devais comparer les jours à quelque chose, ce serait des voitures. Des voitures. Ouais, À quel point elles avancent vite. Ouais. Donc deuxième épisode de podcast raconte avec comme invité Aude Goni-Goubert et Valentin Vincent. Oh, la bonne voilà. Totalement. Donc on se retrouve à Avignon. On fait samedi dimanche. Moi je serai aussi en dédicace d'ailleurs. J'y pense. Et l'Alien samedi après-midi. Voilà, donc si vous y êtes, je pourrais. Dans un truc en plus, dans ce qu'ils appellent les apartés, donc en plus on pourra un peu discuter, c'est un peu plus libre, c'est un magnifique. Peu plus cool. On fait pas ça à la Fnac, on fait ça vraiment en plein air et c'est beaucoup plus agréable. Oh là là, ouais. Faut se rencontrer. C'est pas cool. La capitale. Bien sûr, bien sûr. C'est capitale Marseille, du crime, Queenie Babe. C'est Avignon, bébé. et donc voilà, Frames, et puis c'est déjà très bien. Bah oui. Voilà. Bon bah merci magnifique. Tout le monde, merci beaucoup. Le Flowcast. Merci. Au revoir. Mon niveau de micro était bas, peut-être ça n'a rien enregistré de ma voix. Salut. Ciao. Allez, ciao. Il s'agissait du Flowcast. Pardon.